émotion. Objectif séduction, objectif dérision. La nuit de la fête chinoise, boutique et la fine fermée, quête dans nous font la cuisine, le costard nous va manger. La vieille fine triderie, la coste est mon côté, elle est la pistonne à moi, et que ça nous va manger. Un petit morceau, la viande n'a plus, un petit bout de bocani non plus, la pisse aussi, ceci, rien que l'odeur la morit. Un petit morceau, la viande n'a plus, un petit bout de bocani non plus. La pisse aussi, ceci, rien que l'odeur la morit. Moi la pâtisse est grecque, l'été la fine fait noir. Alors moi là en pile, un blé de Simon Daly. Moi l'été qui m'asine, drape pour moi un béquine. Ou bien des trois sardines, car moi la mouille mon lit. Même béquine l'a pas béqué, sardine avec moi la filochée. Mettre la main dans mon bertel, la même point un petit macabie. Même béquine l'a pas béqué, sardine avec moi la filochée. Mettre la main dans mon bertel, la même point un petit macabie. C'est l'heure de l'araignée qui se lève tôt. Bonjour Mickaël. Bonjour Isabelle, bonjour l'araignée. Et nous on est là, ça y est. Bah oui, ça y est, on est là avec vous jusqu'à 8h. Marot, c'est un peu la voix. Un peu, ouais. Ouais, la voix. Normal, il est 5h. Ah bah oui, c'est bah ça, normal. C'est normal. C'est l'heure du journal. Florent Marot, bonjour. Bonjour Isabelle, bonjour à tous. À la une, ce matin, la colère des planteurs de canne. Ils bloquent depuis hier les usines du Gol et de Bois-Rouge. La CGPER réclame le versement immédiat des aides promises par l'État. En attendant, les cannes ne rentrent plus. Une réunionnaise mise en examen. Hier, elle avait tenté de ramener de Madagascar 4000 comprimés de Rivotril et ce n'était pas, semble-t-il, son premier voyage. Un nouveau TCSP à Sainte-Marie. La route de Beauséjour à la Mare sera réservée aux transports en commun et aux vélos. Elle permettra notamment de relier la CAF à Sainte-Marie et au Chaudron. Coût total, plus de 4 millions d'euros. Reportage dans ce journal. Et puis en football, il sera le troisième homme avec Yves Etève et Noël Vidotte. Yves Dupuis est officiellement, depuis hier, candidat à la présidence de la Ligue. L'élection est prévue le 18 décembre. Ils se disent aujourd'hui pris à la gorge. Les planteurs de canne, une centaine au total, sont allés hier à la DAF, la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. Ils voulaient des explications sur le non-versement des aides promises par l'État, indemnités compensatoires, handicap naturel et aide à la production notamment. Au final, pas vraiment de réponse. Les planteurs de la CGPER ont donc décidé de bloquer les usines du Gol et de Bois-Rouge. Jean-Yves Minacci, le président du syndicat agricole. Je pense qu'au lieu de simplifier, on complique les choses. C'est pas raison qu'on a demandé que du CSN, l'aide d'augmentation, la MAE, l'aide de la production soit versée au plus tard le 15 octobre. Parce qu'il faut que ces administrations comprennent qu'on prépare toujours la prochaine campagne pendant la campagne en cours. Il nous manque de l'argent. Voilà, aujourd'hui, dans quelle situation nous nous trouvons. Là, on nous calque sur un modèle européen, français de l'Hexagone. On prend en compte nos spécificités. Comment nous sommes logés? Aujourd'hui, c'est la lettre numéro 1. Ensuite, on va continuer à mener des actions pour trouver des bonnes solutions. Jean-Yves Minacci, président de la CGPER, au micro-réunion première de Laurent Pirotte. Et pour l'instant, les cannes ne rentrent plus. La CGPER exige le paiement des aides pour lever les barrages. Nous serons sur place en direct dans notre journal de 6h30. Elle avait tenté d'introduire 4000 comprimés de Rivotril à La Réunion. Une sexagénaire a été mise en examen hier et incarcérée. Selon la presse écrite de ce matin, elle avait scotché les sachets sur ses jambes. La mule est aujourd'hui à la prison de Domingeau. Elle a été interrogée sans succès pour l'instant. Les enquêteurs veulent évidemment savoir qui était le commanditaire. Il y en a plus de 12 000 déclarés dans l'île. Les armes, celles qui ne sont pas en règle en tout cas, sont dans le collimateur de la préfecture. Elle vient de lancer l'opération « Déposez vos armes ». Une première à La Réunion. Ceux qui en possèdent une ont jusqu'au 15 décembre pour la remettre aux forces de l'ordre. Cette fois, aucune poursuite ne sera engagée. Les sanctions peuvent en effet être lourdes pour les armes à feu, mais aussi pour les armes blanches. Les précisions du procureur de la République, Laurent Zukovic. Selon les catégories d'armes, en fonction de leur dangerosité, il y a des peines d'emprisonnement encourues ou des fortes peines d'amende. L'objectif de cette opération, c'est qu'on vide finalement les maisons d'armes dont des gens sont susceptibles de se servir. Donc il n'y aura pas de poursuite judiciaire pour le motif de détention illégale d'armes. Évidemment, si la personne s'en est servie ou si elle transporte une arme blanche dans la rue, la situation est totalement différente. Là, c'est vraiment l'objectif de débarrasser d'armes potentiellement dangereuses. Quelle est la situation ici chez nous ? Il y a plus d'usage d'armes blanches. On a eu pour autant quelques homicides par arme à feu à Pierrefonds en juin dernier, je vous le rappelle. Sinon, on a beaucoup d'affaires d'homicides ou de violences graves, notamment dans le cadre intrafamilial, avec l'usage d'armes blanches. Laurent Zukovic, procureur de la République au micro, Réunion Première de Nadine Bachelot. 5h04 sur la première, la suite du journal Florent Marot. Et direction Sainte-Marie pour l'inauguration hier d'un nouveau TCSP, transport en commun en site propre, et cela en pleine semaine européenne de la mobilité. La nouvelle route réservée aux bus, aux taxis et aux vélos relie le quartier de Beauséjour à celui de la Mare. Un gain de temps considérable pour ceux qui empruntent les lignes 33 et 34 du réseau Citalis. Ces lignes desservent la CAF, Sainte-Marie et le Chaudron. Au total, 10 mois et plus de 4 millions d'euros auront été nécessaires à la construction de ces 2 km 300 de bitume. On fait la route avec Johan Damadorassi. Top départ pour le bus inaugural de la voie Beauséjour-Lamar. Il s'élance sur le nouveau tronçon de 3 km à travers les champs de Cannes. À bord, les officiels pour un trajet sans arrêt vers la zone d'activité de Lamar. Aux commandes, Mathieu, content de ne plus composer avec les embouteillages. C'est agréable, c'est neuf. On partage la route avec. Et les autres bus, et les taxis, et les cyclistes aussi, pour faire attention. Il aura fallu moins de 10 minutes pour arriver à Lamar. Là, selon la ligne empruntée, les passagers ont deux possibilités. Au stop à la fin, on va à gauche pour aller au Chaudron. Soit on va vers la gare de Sainte-Marie. La ligne 34, c'est Sainte-Marie et 33, c'est Chaudron. Pour Yves Ferrière, le second adjoint au maire de Sainte-Marie, le gain de temps est considérable pour les usagers, surtout ceux qui arrivent du Chaudron. Du Chaudron à venir à Beauséjour, on met 15 minutes pour y arriver. Auparavant, il fallait 3 quarts d'heure. On a gagné une demi-heure. Mais au-delà, cette voie va surtout permettre le développement du quartier de Beauséjour. Ce quartier de Beauséjour, il n'est construit qu'à 50%. On va encore recevoir plus de 6 000 habitants sur les 10 ans à venir. Tout n'est pas encore terminé. L'objectif de la mairie est désormais de développer d'autres liaisons urbaines pour permettre aux Sainte-Mariens de se déplacer sans trop de difficultés. Et ce nouveau TCSP aura, je vous le disais, coûté plus de 4 millions d'euros. Un chantier financé à 60% par l'Europe, 20% pour la région et 20% pour la Cinor. Aménagement toujours avec la ville de demain à la possession. La ville, celle du port, mais aussi l'État, la Caisse des dépôts et le TCO ont signé hier une convention dans le cadre du projet Éco-Cité. Objectif, financer des actions innovantes. Plus de 700 000 euros vont être débloqués. 4 projets sont en cours à la possession, notamment l'implantation d'îlots de fraîcheur et la préservation de la biodiversité dans les espaces publics, ainsi que la dépollution dans les aménagements publics. Les précisions de Vanessa Miranville, maire de la possession. Ça va nous servir à être subventionnés pour mettre en place des actions innovantes, notamment la lutte contre les îlots de chaleur urbains. Parce que quand on construit une ville, on le sait, ça fait augmenter la température. Dans les conditions climatiques de l'éco-quartier Cœur de Ville et de Moulin-Joly à la possession, on a besoin de fraîcheur. La qualité de vie, elle est quand même largement liée au sentiment de fraîcheur qu'on va permettre aux personnes qui vont habiter dans ces espaces de ne pas subir cet îlot de chaleur par des plans traversants, par différentes techniques qui finalement reviennent un peu à ce qu'on faisait avant, la case créole avec ses plans traversants, avec sa végétalisation, avec sa véranda, etc. Vanessa Miranville, maire de la possession, interrogée par Hubert Debeux. L'élection à la Ligue de football, c'est dans 3 mois, le 18 décembre. Et après, Yves Etève et Noël Vidotte, un troisième homme qu'on n'attendait peut-être pas, se déclare candidat à la présidence. Son nom, Yves Dupuis, 66 ans. Le technicien pays s'est officiellement déclaré candidat hier. Ancien directeur du pôle espoir de la Plaine des Cafres, conseiller technique régional. Il pense aujourd'hui avoir un rôle à jouer dans le foot local. Notre football s'abîme légèrement, se désagrège légèrement, mais sûrement. Et je pars du principe que, ancien éducateur, je dois m'investir dans un nouveau rôle, quitter la tenue, de survêtement de terrain et passer dans un autre domaine de façon à, si vous voulez, être force de proposition pour l'avenir du football réunionnais. Si je viens, c'est pour une mandature de 4 ans pour essayer de stabiliser, d'harmoniser et de sérénisé le football. Pour moi, c'est quelque chose qui, pour moi, est important. Et les élections arrivent à point nommé. C'est pour ça qu'en décembre, eh bien, ce qu'il faut, c'est qu'il y ait 2, 3, 4 listes qui se présentent de façon qu'on puisse, à ce moment, discuter de projets pour l'avenir du football réunionnais. Voilà. Et sur ces 4 ans-là, eh bien, je vais essayer d'avoir avec moi une équipe solide, avec un tiers de personnes d'expérience, un tiers de dames, parce que je pense que les dames ont un rôle important à jouer dans le football de la Réunion, et un tiers de jeunes qui vont m'accompagner pour que demain matin, ils puissent prendre le relais. Yves Dupuis, candidat à la présidence de la Ligue réunionnaise de football, interrogé par Johnny Lérivain et Francis Bourgoin. Enfin, le salon Top Reza commence aujourd'hui. Au premier semestre de cette année, 190 000 touristes ont foulé le sol de la Réunion, un chiffre légèrement en baisse si l'on compare au premier semestre 2015, où ils étaient un peu plus de 197 000. C'est la fin de ce journal local. Place maintenant à l'actualité nationale et internationale avec nos confrères de France Info. Et Anne-Charlotte Costabadi, on commence ce matin par la fin de la trêve en Syrie. Les bombardements du régime syrien et des Russes ont repris intensivement dans la région d'Alep hier soir. Le régime de Bachar al-Assad a déclaré plus tôt dans la journée la fin de la trêve des 7 jours instaurée par les États-Unis et la Russie. Au moins 36 civils ont été tués selon un dernier bilan de l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Certains dans des quartiers rebelles d'Alep. 12 humanitaires et des chauffeurs de camions ont également été tués dans cette région du nord de la Syrie. Un convoi d'aide humanitaire a été visé selon l'ONU. 18 camions endommagés sur 31. Ils acheminaient de l'aide à 78 000 personnes à Rum al-Kubra. Le président François Hollande va débattre de la question syrienne aujourd'hui à New York aux États-Unis. Il participe à l'Assemblée annuelle de l'ONU. Les 193 pays membres sont réunis toute la semaine autour de la crise des migrants et des réfugiés. Le chef de l'État s'exprimera dans la matinée. Toujours à New York, l'interpellation d'un Américain d'origine afghane de 28 ans hier, seul suspect de l'attentat à la bombe samedi soir qui a fait 29 blessés dans le quartier de Chelsea à Manhattan. Après une chasse à l'homme, il a été retrouvé à Linden dans le New Jersey et blessé après des échanges de tirs avec la police. Il a été inculpé pour tentative de meurtre sur des policiers et possession d'armes, mais pas encore d'inculpation pour les bombes qu'il aurait également déposées près d'une course à pied ce week-end dans le New Jersey. Manifestation meurtrière à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Les affrontements et les tirs entre les forces de l'ordre et les manifestants qui réclamaient le départ du président Joseph Kabila à la fin de son mandat en décembre ont fait 17 morts selon le ministère de l'Intérieur, 50 selon l'opposition. Ils s'étaient vantés de leurs exploits sur les réseaux sociaux et auprès de plusieurs médias d'avoir donc déclenché cette fausse alerte ce week-end au centre de Paris. Un adolescent de 16 ans a été interpellé hier dans la Marne, placé en garde à vue et un autre garçon de 17 ans est toujours recherché. Ces deux hackers avaient piraté le téléphone de l'église Saint-Leu et avait donc parlé d'une fausse prise d'otage, ce qui avait mobilisé une centaine de forces de l'ordre. Le ministère de l'Intérieur annonce qu'il va se porter partie civile pour obtenir réparation. Un homme de 35 ans grièvement blessé par balle dans la soirée à Marseille, c'était vers 20h dans une cité des quartiers nord. Cet homme, qui était récemment sorti de prison et portait un bracelet électronique, a été visé par des coups de fusil de chasse à la sortie de son domicile. Début de la 6e journée de Ligue 1 de football ce mardi soir, 2 matchs au programme. Lille reçoit Toulouse à 19h. À 21h, le PSG accueille Dijon. Le Paris Saint-Germain devra à nouveau se passer d'Atem Ben Arfa. C'est la 3e fois consécutive. L'entraîneur Unai Emery assure qu'il ne s'est basé que sur des critères sportifs pour cette décision. La météo de ce mardi avec des minimales qui continuent de descendre de 8 à 14 degrés en général. 14 à 18 le long de la Méditerranée. Entre 17 et 20 l'après-midi, de 23 à 25 dans le sud-est, jusqu'à 26 à Montpellier. D'ailleurs, dans le sud-est, c'est le seul endroit où il restera du soleil. Pour partout ailleurs, c'est nuageux. De la pluie à attendre dans la matinée sur les côtes de la Manche avant de se décaler au fil de la journée vers la frontière belge, également le centre Val-de-Loire et Île-de-France concernés. C'est le matin, il est 5h12 sur la première. Et le réveil sera encore frais et parfois nuageux, Mickaël. Oui, on n'attend pas plus de 4 degrés au volcan, par exemple, 3 degrés à la plaine des Cafres et à peine 19 degrés sur le littoral. Les nuages, oui, ils seront là, normalement, dans l'est, même si on n'est pas non plus obligé de les avoir. Hein, on pourrait très bien les repousser. De Sainte-Clotilde à Saint-Joseph, le ciel sera couvert et puis progressivement, les éclaircies vont venir. Partout ailleurs, le soleil brillera généreusement, notamment à partir de 1800 mètres. Les plus hauts sommets seront dégagés. Ce matin, les températures vont remonter pour atteindre 20 degrés à Salazie cet après-midi et 26 degrés à l'Ermitage. Grand matin avec Isabelle Waron et Mickaël Laurette. Eh oui, ça y est, on est de retour. Ça va, Isa? Oui, ça va, Mika, ou même comment il est? Bien, bien, bien réveillé. Et ce matin. Colle ou ça va? Ça un va. Peu, un peu, ça colle. Un peu, ça colle. Hein. Ah, mais ça, c'est. C'est normal, c'est mardi. Oui, puis enfin, c'est souvent le cas, en fait, tout simplement le et matin. Il est 5h13, quoi, si tu veux, donc c'est normal que ça colle. Voilà. C'est dur, c'est normal. Je pense que c'est vous, c'est... chez vous, c'est pareil. Oui. Dans la voiture, là, pour ceux qui commencent à conduire, alors, ouvrez bien grand vos yeux. Ça sera quand même mieux. Puis alors, c'est je vais ça. Faire un truc. Quoi? Comme chaque matin, ouais. Je vais envoyer une photo de petit déjeuner. Eh ben oui, voilà. Pouvez-vous aussi faire comme Mickaël? Vous prenez votre petit déjeuner en ce moment, vous êtes en train de le préparer pour les enfants, il n'y a pas de problème. Prenez la photo, postez tout ça sur notre page Grand Matin, la page Facebook, et repartez, oh tenez-vous bien, avec des invitations pour aller au cinéma ce week-end, et pourquoi pas en croisière sur un catamaran pour ça, deux bien. Personnes, oh là là, à bord du Catapassion, tirage au sort, vendredi, c'est promis. Et tous ceux qui envoient leurs photos tout au long de la semaine sont sélectionnés pour ce tirage au sort. Mmh. C'est simple, comme une photo sur notre page Facebook, pas voilà. Plus compliqué que ça. Vous postez comme moi là, dans ton petit déjeuner. La, bah, au début de la journée, si vous avez pris le petit déj. Mmh. Bon, alors moi, c'est pas super, super consistant. Moi, il fallait quand même un petit jus oui. Et puis des céréales pour commencer. Alors, je vous ai mis les boîtes, hein. Bon, parce qu'en fait j'allais pas vous montrer non plus tout le petit-déj, parce que le matin c'est un peu catastrophique quand je prends mon petit-déjeuner, il y en a un peu partout un voilà, peu parce partout. Que comme je vois rien, comme j'ai pas les yeux et après quand il rentre sa case, lui fait ménage voilà, c'est ça, oui ou alors c'est les fourmis qui le font ça dépend. Salut Prisca. Coucou Prisca. Le petit-déj est salut. Passé aussi pour vous ça y est. Salut les amis, ah non, moi je vais prendre mon petit-déjeuner ah bah sur oui. Le marché forain de Sainte-Suzanne. Ah bah oui, c'est mardi aujourd'hui, donc Sainte-Suzanne oui. Bah oui. Donc je lance l'appel pour ceux qui n'ont pas envie de prendre son café ou son thé tout seul, venez nous rejoindre à Sainte-Suzanne parce qu'Aurélien, il a tout ramené. Hein. Aurélien. Pain en chocolat, pain en raisin, torsade de chocolat. Il y a oui. Même pour ceux qui aiment bien manger c'est salé, complet. Vous savez, les petits pâtés créoles. Au thé les petits pâtés, oui, avec déjà un petit matin peu de piment dedans. Oh ça, c'est là. Bon, ça. Tu m'étonnes. Bah, oui, bon, c'est mais bon. Retrouve Azote là-bas, au marché forain de Sainte-Suzanne avec Aurélien. Bah, laisse, bah, les bons, alors. Laisse quelques pâtés piment de côté, Prisca. D'accord. Les bons bah, je vais vous envoyer ça sur la page de non, Grand non, Matin. Non, non, non, de côté. Voilà, ah. Envoyez, c'est bien, oui, on va regarder, mais on veut manger, nous. Pas ça sur Facebook, là. Bah, vous envoyez, envoyez ça. Bah, par la poste, colis postal. Ok, allez. Ok, bon, ça arrivera c'est demain. Bon. Allez. Allez, à toutes. Salut Prisca, plus tard. Bye allez, bye. On revient avec Juliette, qui va nous lire l'horoscope du jour. À tout de suite. Anouchka Pépin, gagnante de la saison 1 de Kid Créole sur Réunion Première. Aujourd'hui, découvrez Mon Étoile, son duo inédit avec Pixel. Une incroyable consécration pour la petite réunionnaise. Toi aussi, tu peux vivre ce rêve et enregistrer ton premier single produit par SS Kairon. Tu as entre 8 et 15 ans? Inscris-toi sur le site kidcreole.re avant le 30 septembre et participe à la saison 2 de Kid Créole, le talent show Made in Réunion Première. C'est dans l'actu avec Philippe Dorny. Et votre syndicat ne bouge pas maintenant, et vous êtes majoritaire. On est habitué à ces grandes déclarations. Le problème, c'est que nous n'avons pas de l'argent, mais notre argent est dans la poche l'État. On veut savoir ce qu'on veut à la Réunion, on veut une belle route, on veut ceci, on veut cela. C'est dans l'actu avec Philippe Dorny, du lundi au jeudi, dès 12h15, sur Réunion Première. Première. On est le mardi 20 septembre. C'est ça, est-ce que les planètes seront avec nous, les astres, Neptune? Souvent c'est le cas, non? Neptune. C'est ça c'est qui pas... vient avec l'horoscope, c'est toujours positif quasiment. Tu crois toi? Allez Juliette. Bonjour Juliette. Bonjour. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui nous sommes le 20 septembre. Nous fêtons les Davis. Excellente fête messieurs. Encore une fois merci à tous ceux qui nous sont fidèles. Voici l'horoscope de la première. Bélier, une personne vous manque, mais vous n'osez pas le dire clairement. Taureau, vos travaux prennent de l'ampleur et ils vous mettent en relation avec un nombre grandissant de personnes. Gémeaux, vous surmontez enfin ce qui auparavant semblait être un handicap. Cancer, vous vous sentez parfaitement en osmose si vous êtes en couple. Lion, vos travaux vont porter leurs fruits, ça y est, enfin. Vierge, plus de pouvoir, plus d'argent, c'est votre programme. Balance, par bonheur, votre nostalgie ne devrait pas durer. Scorpion, vous pourriez gagner en autorité aujourd'hui et asseoir votre force. Sagittaire, les contestations, les discussions seront particulièrement productives. Capricorne, vous n'avez qu'une idée en tête, faire fructifier au mieux vos revenus. Verseau, vous avez grandement besoin de vous octroyer des moments de bien-être et de loisirs, seul si possible. Et Poisson enfin, ne communiquez pas trop sur votre succès récent, vous pourriez créer des jalousies autour de vous. Belle journée. Merci. Ouais, c'est pas tout le temps merci, positif. Hein. Oui, c'est vrai. Et bon, Poisson, dis pas trop quand il faut un petit truc, faut un petit truc forcément, sinon tout se passe bien, c'est pas normal. Mais demain, vous verrez, je suis sûr que ça sera bien pour les poissons, oui. Par exemple. Il y a toujours de l'espoir. Voilà, ben c'est important ça, de garder l'espoir. On va filer au tiercé écarté quintet plus. Et sur l'hippodrome de Saint-Cloud hier, parce qu'il y avait les résultats hein, forcément avec l'arrivée. Eh ben oui, parce que Bonnet il court et ça fait bah, la fin, donc l'arrivée du quintet. Il fallait jouer le 7, le 4, le 8, le 13 et le 15. 7, 4, 8, 13, 15, numéro plus gagnant, 24, 78. Cet après-midi, le quintet va se courir à Auteuil, prix Calabret. Il y aura 18 partants, 3600 mètres à parcourir, 5 450 000 euros dans la tirelire. Voici les pronostics du fouineur du GIR partenaire Réunion Première qui vous conseille le 3, le 8, le 2, l'As, le 9, le 18, le 12 et le 13. 3, 8, 2, As, 9, 18, 12, 13 pour votre quintet cet après-midi à Auteuil, prix Calabret. Et n'oubliez pas, pour que le jeu reste un plaisir, jouons responsable. Il aurait fallu calculer combien de fois Isa a dit cette phrase. Ouais. Ça doit être énorme dans votre carrière de dans une carrière de d'animatrice radio. Ah c'est clair. Jouons responsable. Oui, nous pour que le jeu reste c'est un plaisir. Jouons responsable. Didier Carien. D'accord. Dieu va donner le temps n'apprend pour préparer son arrivée. Ti fille, ti garçon, le nom la fine trouver. Nos enfants bon Dieu va donner à nous. Nous n'aura bien plus que ça. Didier Kergrin et Isa qui nous accompagnent au réveil comme ça pour vous, ou peut-être au saut du lit hein, pour, ça fait pour du d'autres. Bien. C'était Enfants Mondiers. Oui, allez, on s'étire un peu. C'est pas facile ce matin. Aïe, aïe, aïe. Ça pique. Oh, ça pique. Et vous allez peut-être prendre le transport en commun aujourd'hui. Hein, on est en pleine semaine européenne de la mobilité. Ça même même. C'est la journée du transport aujourd'hui. Ouais. Vous prenez peut-être les transports en commun, donc les bus notamment, dans toute l'île. Parce que j'allais dire le train, mais il n'y a pas de train. Ben non. On va vous présenter les transports hors du commun, nous. Ah oui, parce que à travers le monde, on prend pas forcément le bus Italis. On prend aussi d'autres types de bus, d'autres types de transports qui sont assez particuliers. Filons en Allemagne. Oh, allons. Allez, qu'est-ce que tu filons me proposes en Allemagne. Comme alors, moyen de transport là-bas. Initialement prévu à Berlin. Ouais. Mais ce train finalement officie à Wuppertal. À Wuppertal. C'est connu, hein. Wuppertal. Tu connais Wuppertal. C'est bien passé tes vacances. Attends, Wuppertal. Ah oui, qui connaît pas Wuppertal. Bah oui. Alors, le train s'appelle Leichin. Hangbahnsystemgen. T'as la grippe, toi, on dirait. Hein. Un peu. C'est pas gentil pour les Allemands. Bon, en même temps, j'ai pas l'accent non plus. Hein. Ce train. Alors, ce train, transporte 82 000 personnes par jour. D'accord. À 60 km/h tout de même. Ouais, donc, il est en ville alors. C'est en ville, sur 13 km de rail, à 8 à 12 mètres de haut. C'est ça la particularité. Ah, c'est en fait un train qui est suspendu. D'accord. Voilà. Donc au lieu de l'avoir à l'endroit, les rails sont au-dessus du train. Si vous voyez un peu l'image. S'il échappe, il échappe pas ça. Comment? Toujours bien accroché parce que s'il échappe, il échappe du rien. Rien n'a échappé. Ah bon. Un éléphant par contre a échappé un jour. Comment? Il y a quelques années, l'éléphant a été choqué, il est tombé du train. Alors, mais la question est quand même que faisait l'éléphant dans alors le train? Ça j'ai pas trouvé. Alors heureusement que cette affaire se termine bien pour l'éléphant et pour les gens qui étaient en dessous. C'est ça. Il y avait personne. Heureusement. Peut-être quelqu'un qui promenait son éléphant dans la ville de Wuppert là. Bon, c'était en 1921. Ah bon. Ouais, donc il était courant en 1921 d'avoir un éléphant de compagnie. Il y avait plein de dembo dans les Einscheninge Angeban System Eugen. Bon, allez, on fait le tour du monde. Oui. On file où là? Allons, je vous emmène un truc super glamour. Faire plaisir à toutes les petites filles, toutes les filles en général. Je vous emmène à Taïwan où il y a l'avion, le Boeing 777 Hello Kitty. 700 du ciel. Bah oui. 770 ciel. C'est un avion Hello Kitty. Alors quand tu le vois mignon, déjà ça. Dehors, quand tu le regardes, il est tout blanc avec plein d'Hello Kitty partout. Tu rentres dedans, les sièges, les roses, le bon coussin, les roses, le bon petit couvert, les roses, tous les accessoires, le couteau, le fourchette, le petit verre, tout est rose Hello Kitty, jusqu'à la tenue des hôtesses hôtées. Ah oui. Et même le bon petit repas à l'intérieur que les servis dans l'avion. Et bien c'est à la mode, tu as des petits sushis Hello Kitty, tout ça, donc c'est hyper mignon, hyper glamour. Mais il y a plein de compagnies en Asie comme ça qui habillent leur avion au thème des dessins animés. Il y a eu l'avion Dragon Ball, l'avion Pokémon, on a vu plein de. Et bien celui-là, Hello Kitty, il y a beaucoup de monde, les gens aiment beaucoup. Et bah oui, en même temps, rien que pour les enfants, si tu veux, tu dois faire un long voyage, des fois pour les enfants, ça un peu, oh là là, non. Et bah là, tu leur dis, on va prendre l'avion Hello Kitty. Ils sont contents. Et là, peut-être que les pleurs passent d'un coup. C'est ça. L'appréhension de l'avion est oubliée. Tu connais comment sont les enfants. Rien que tu amènes un petit fourchette rose et le kitty, ils sont contents. Il suffit pas de grand chose. Alors, on reste en Asie. Moi, je pars maintenant en Thaïlande. Oui. En Thaïlande, bah oui, il y a le traditionnel tuk-tuk. Oui. Que tout le monde a peut-être vu au moins une fois à la télévision. À la télé, dans le film. Voilà, ces sortes de moto-voitures qui vous emmènent des fois. Tu dis tuk-tuk. Ou tuk-tuk. Moi je dis tuk-tuk. Comme vous voulez, 70-80 km/h. Ouais. Moi je dis tuk-tuk, c'est la prononciation à la créole. Tuk-tuk, 70. Non, tu confonds avec le paquet de gâteaux. Comment? Des tuks. Les tuks. Ah, les tuks, c'est bon aussi. C'est bon. On peut manger des tuks dans le tuk-tuk. Dans le tuk-tuk. Voilà, 70-80 km/h, donc ça vous amène assez rapidement du côté de votre destination finale. Sauf que. Oui. Sauf que parfois, il ne faut pas avoir un pilote trop chevronné, parce que vous avez vite tendance à vous... À pencher sur le côté, ça m'est arrivé. C'est vrai ? Et t'as peur ? Mais je pense qu'en fait, le pilote n'était pas tout net, il n'était pas tout seul dans sa tête. T'avais une vallée à droite, l'autre vallée à gauche. J'ai vu la mort défiler devant moi. Heureusement, le tuk-tuk a repenché donc, vers le bon côté, le côté vivant. C'est que tu ne t'endors pas pendant le voyage, tu restes toujours vigilant. On ne sait jamais, tu vois, c'est important. Ah oui, non, mais c'est... Du coup, c'est... C'est un voyage qui secoue. Et puis tu vois, ce que je veux dire. T'oublies pas, quoi. C'est ça qui est chouette. Non. Aïe, aïe, aïe. Bon, si vous aussi, vous avez emprunté des transports un peu insolites, un peu bizarres, un petit SMS 70-2000, n'hésitez pas. Ça marque, ça marque forcément. Marina Kay, sur première. Dans le tuk-tuk. Toute la réunion, vous écoutez Freeze You Out. Out, Isa. Oui, c'est out. Ce que j'ai dit, Freeze You Out. Out. Out. Un peu comme le tuk-tuk ou le tuk-tuk. Comme le tuk-tuk. Ah, Cécile, vous avez déjà mangé des tuk dans un tuk-tuk. Ça peut être une expérience intéressante. On se donne rendez-vous. Bah oui, pourquoi pas. Et 5h30 sur la première. C'est l'heure du journal. Cécile Thomas, bonjour. Bonjour Isabelle, bonjour Mickaël, bonjour à tous. Colère des planteurs, ils demandent à nouveau le paiement d'aide qui ne vient pas. Ils ont décidé de bloquer les usines sucrières d'Ugol et de Bois-Rouge. Le mouvement entamé hier se poursuit donc aujourd'hui. Dans ce journal, nous parlerons élections avec le vote prévu pour élire l'équipe dirigeante de la Chambre de commerce et d'industrie. Le président sortant est candidat. Ibrahim Patel a rassemblé ses soutiens hier. Vote également pour élire les représentants syndicaux des salariés des très petites entreprises. Explication dans ce journal. Et puis nous parlerons des primaires pour la présidentielle avec la primaire à gauche. À la fin de ce journal, présentation également du nouveau parking longue durée de l'aéroport. Les usines sucrières bloquées par les planteurs depuis hier à l'appel de la CGPER. Des planteurs ont décidé d'empêcher l'accès aux usines de Bois-Rouge et du Gol. Ils demandent le paiement d'aide. Ces paiements sont en retard, ce qui les pénalise. Hier matin, une délégation s'est rendue à la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt pour avoir des explications, mais la rencontre n'a pas porté de fruits. Les planteurs ont décidé de durcir le mouvement. Ils bloquent les usines. Nous serons en direct avec Jean-Yves Minacci dans notre édition de 6h30. 15 minutes de bus pour circuler entre le quartier de Beauséjour et le centre-ville de Sainte-Marie ou encore le mail du Chaudron. La desserte de ce nouveau quartier de Sainte-Marie s'organise. Pour fluidifier le trafic, les lignes 33 et 34 de bus emprunteront un nouveau tronçon de route à travers les Cannes. Le trajet a été présenté hier. L'occasion pour nous de demander quels seront les prochains aménagements en matière de transport en commun, notamment où en sont les projets de monorail évoqués durant la campagne des régionales. Fabienne Coipel-Sauret est conseillère régionale et déléguée au transport. Les études sur le monorail sont lancées. Nous avons finalisé le tracé sur le réseau régional de transport guidé qui fera le tour de l'île et nous allons prioriser sur un premier tronçon, celui de Saint-Benoît, pour relier l'entrée est de Saint-Denis, la traversée de Saint-Denis et la jonction avec la nouvelle route du littoral. Les études de faisabilité sont en cours sur le tronçon Sainte-Marie, entrée est, traversée de Saint-Denis, jonction avec la nouvelle route du littoral. Donc ce sera un transport aérien puisque la traversée de Saint-Denis nécessitera un mode en viaduc et donc nous allons pouvoir dans les prochaines semaines présenter à la population réunionnaise un calendrier plus serré et plus pragmatique. Fabienne Coipel-Sauré, conseillère régionale déléguée au transport, interrogée par Johanna Damadorassi. Ibrahim Patel, candidat à la tête de la Chambre de commerce et d'industrie qu'il dirige actuellement. Sa liste trajectoire TPE-PME a été présentée hier. Étaient présents les nombreux soutiens au président sortant pour obtenir un nouveau mandat le 10 novembre prochain. Il peut compter sur une cinquantaine d'associations et de syndicats professionnels qui se sont rangés derrière lui. Et cela regroupe aussi bien des transporteurs que des commerçants des centres-villes, des taxiteurs, des bazardiers. Ibrahim Patel se félicite de cette union. Il est fier de son bilan et dévoile ses projets au micro de Daniel Dambreville. Quand j'ai pris fonction, nous étions dans la remise en ordre, en état de marche, donc c'est CCIR. Nous étions effectivement dans la réduction des abus au niveau de la ZIC et nous étions aussi effectivement redonner de la couleur au niveau des finances. N'oublions pas que nous étions chez une trésorerie négative et chez un fonds de roulement vraiment au ras des pâquerettes à notre arrivée par rapport au départ du pôle de l'aéroport. Nous avons réglé le programme de la mandature à 95%. Sur le deuxième mandat, c'est la continuité du programme, mais il faut y aller plus loin. Il faut y aller plus loin, il faut y aller sur la zone franche globale, il faut y aller sur l'expérimentation, sur la fiscalité à 15%. Il faut mener le combat pour que la LODEOM soit pérennisée. Donc il y a plusieurs projets. Ibrahim Patel de la liste trajectoire TPE, PME candidat à l'élection à la CCIR. Le dépôt des listes aura lieu jusqu'à vendredi. Le scrutin se déroulera du 20 octobre au 2 novembre prochain. Autre vote qui concerne les entreprises, du 28 novembre au 12 décembre prochain, les salariés de très petites entreprises et les employés à domicile sont appelés à voter pour le syndicat qui les représentera pour les 4 ans à venir. 59 420 salariés sont concernés. C'est 10 000 de plus qu'il y a 4 ans et l'enjeu du scrutin est important, Daniel Dambreville. En 2012, à peine 5% des salariés des très petites entreprises de Lille avaient voté. Alors pour les syndicats, l'enjeu de ce deuxième scrutin est important. Pascal Waraud de l'UR 974. Ces élections concernent des salariés qui sont dans des entreprises dans lesquelles il n'y a aucune représentation du personnel, il n'y a pas de syndicat. C'est-à-dire potentiellement des salariés où les droits sont peut-être les plus bafoués. Jusque-là, ces salariés votaient uniquement pour déterminer les syndicats qui les représenteraient lors de l'élaboration, par exemple, de conventions collectives ou d'accords de branche. L'enjeu de ce second scrutin est triple, être mieux représenté, mieux défendu et surtout mieux conseillé. Jean-Pierre Rivière de la CFDT. Je crois que l'élément majeur de cette élection, c'est la création de la commission paritaire régionale interprofessionnelle. Et là, des salariés des TPE auront des gens qui font le même métier qu'eux, qui pourront leur défendre dans le cadre des commissions paritaires régionales interprofessionnelles. Magali Billard, pour Solidaire. Elles servent à gérer les conflits. Alors, il y a des conflits beaucoup plus complexes qui iront devant les prud'hommes, mais le conflit basique, je dirais, du quotidien, il va permettre aussi des fois de renouer un dialogue qui est rompu. Il va permettre aussi d'informer le salarié. Les commissions paritaires régionales voulues par la loi Rebsamen d'août 2015 seront opérationnelles en juillet 2017. Les salariés devront donc pour cela déterminer localement leurs représentants parmi une vingtaine de syndicats. Enfin, en votant par Internet ou courrier timbré, ils désigneront en même temps les futurs conseillers prud'hommes. C'est l'autre nouveauté majeure de cette élection TPE. Daniel Dambreville. 5h36 sur la première. La suite du journal, Cécile Thomas. La politique avec le Parti Socialiste qui prépare sa primaire pour la présidentielle de 2017. Ce sera les 22 et 29 janvier prochains. En attendant de savoir si François Hollande y participera, il devra donner une réponse début décembre. Les fédérations du PS tentent de faire passer le message que la France va mieux. Pour la Réunion, le parti s'appuie surtout sur l'amélioration des chiffres du chômage. Parler d'emploi plutôt que des questions liées à l'identité ou à la place de l'islam, voilà ce qu'attend Philippe Leconstant, le premier secrétaire fédéral. Était l'invité de Devant la Réunion hier soir sur Réunion Première. Je regrette la tournure que prend cette campagne. J'espère que le bon sens va revenir et que on parlera d'identité, on parlera de culture, le vivre ensemble c'est très important, mais que l'économie et le social, là où il y a une vraie différence entre la droite et la gauche, reprendra le dessus parce que ce sont les préoccupations majeures des Français. Est-ce que le PS à La Réunion a un message particulier par rapport à ça ? Le message particulier, c'est de dire, on n'a pas de leçon à donner aux autres, mais c'est de dire à ceux qui sont aujourd'hui englués dans ces questions, oui, il est possible de faire cohabiter différentes religions, différentes pratiques, différentes ethnies, et de ce point de vue-là, La Réunion est un exemple. Philippe Leconstant, le premier secrétaire fédéral du PS, répondait à Gaël Le Dantec. Et l'identité, il en sera encore question après la petite phrase de Nicolas Sarkozy. Hier, Nicolas Sarkozy, candidat à la primaire à droite, nous exigeons l'assimilation. Dès que vous devenez français, vos ancêtres sont gaulois, a-t-il affirmé lors d'un meeting à Franconville dans le Val d'Oise. Phrase qui aura certainement une résonance outre-mer. Information à retrouver sur notre site internet lapremiere.france.tvinfo.fr. Que faire de sa voiture quand on prend l'avion, par exemple Isabelle, pour aller manger des tucs en tuk-tuk ou laisser garer son véhicule pour une durée assez longue ? Eh bien, l'aéroport s'intéresse enfin à ces questions et propose un nouveau parking, un parking pour les stationnements de longue durée. Un parking meilleur marché pour les longues durées, effectivement, c'était 35 euros pour 12 heures jusqu'à maintenant. C'est maintenant 10 euros pour 24 heures sur ce parking de 200 places. Les véhicules seront surveillés. Il faut réserver en ligne. Yannick Roy, le directeur du développement extra-aéronautique de l'aéroport. On s'est aperçu que dans notre parking P1, il n'y avait aucun voyageur. C'est un parking qui était tout simplement utilisé uniquement par les accompagnants. On s'est dit qu'il y avait un segment de marché qui avait été délaissé à cause des tarifs qui sont pratiqués dans notre parking principal. Donc, on vise le client qui part pour une à deux semaines à 10 euros par jour. C'est pas donné. Par contre, c'est une offre qui est extrêmement compétitive et pratiquement unique dans la zone aéroportuaire. Il y a des loueurs déjà qui font ça? Les loueurs le font. C'est un peu différent. C'est un produit de gardiennage plus qu'un produit de parking. La voiture qui est transportée à l'extérieur de l'aéroport. Donc, on travaille en complémentarité avec les loueurs. Leur produit va évoluer aussi vers un produit plus de type voiturier. Ça pourrait être le lavage de véhicules, ça pourrait être justement de la mécanique légère, etc. Donc, on travaille avec eux de façon à ce que l'offre pour le passager soit la plus diversifiée possible. Yannick Roy répondait à Bruce Réjean. Le tarif, c'est donc 40 euros, indivisible pour les 4 premiers jours, et puis 10 euros par jour supplémentaire. Le prochain projet, c'est un parking spécial pour les stationnements de 2 à 4 jours pour un week-end plus ou moins long. Ah ben ça peut servir. Hein. Ouais, c'est aussi. Vrai qu'on ne sait jamais où mettre sa voiture par oui. moment. La famille, ouais. les amis. C'est ça, mais des fois la famille, les amis ne sont pas là et puis ils n'ont pas envie. C'est pas sympa dans ta famille. Voilà. C'est pas sympa dans ta famille, c'est à mon avis, il n'y a pas que la mienne. Bon, salut Cécile, on se retrouve à 6h pour l'information avec Florent Marot. Pour le moment, il est 5h40 sur la première. La météo vous est présentée par Miadao, ménage, repassage, jardinage à domicile sur www.miadao.fr. Et le soleil aussi devra faire. Faire avec sa famille et surtout faire avec les nuages sur une partie de l'île. Je ne suis pas sûr que ça soit de sa famille. Ah, cool. Les nuages de Sainte-Clotilde à Saint-Joseph. En tout cas, le gris va s'imposer ce matin au réveil. C'est ce que nous dit Météo France. Puis les éclaircies vont revenir, même si on pourrait faire avec quelques pluies tenaces entre Saint-Philippe et Sainte-Rose, sur les contreforts du volcan également. À partir de 1800 mètres, le soleil va briller généreusement. Donc les plus hauts sommets seront plutôt dégagés. Puis si vous allez vers La Possession, Saint-Gilles ou encore Saint-Pierre, vous retrouverez donc du soleil dès les premières minutes du jour. Température fraîche encore ce matin, 3 degrés au volcan, à peine 4 à la plaine des Cafres et 19 sur le littoral, pas plus. Cet après-midi, elles vont évoluer et le thermomètre affichera 26 degrés au plus fort de la journée du côté, par exemple, de Saint-Leu. La météo vous est présentée par Miadao, ménage, repassage, jardinage à domicile sur www.miadao.fr. Et avant 6h, oui. on va vous faire plaisir. Oui. Ah oui. On va vous faire plaisir parce qu'on a envie de vous faire gagner des invitations pour ce concert événement. Enfants Zillois. Ah, ça fait longtemps qu'on vous en parle. Petit Stade de l'Est, Cassia, l'Indigo, tout le monde ensemble sur scène pour 3 heures de spectacle. Peut-être que vous n'avez jamais entendu parler de ce concert. Eh ben ça tombe bien. Bien dommage. Deux invitations là qui tombent juste avant 6h dans le mixeur du DJ Fou. Au 99-2000, donc avant 6h, c'est promis. Juste après Tic Coq Velay, laisse pas nous causer. Bon réveil. La besoin exprimé, laisse pas nous causer. Donc elle a fini ça y est, laisse pas nous causer. Toi non ça virer, laisse pas nous causer. Nous enfants la réunion. fin pris d'un top, laisse pas nous causer. Donne-nous un massif trop, laisse pas nous causer. Coutier-nous devant des efforts, laisse pas nous causer. Cabala nous a fait dehors, laisse pas nous causer. Nous enfants, la réunion. Côté, même pas les péchés, nous n'a plus le droit. Comme Elana et Loi, elle est là. Côté, même pas les baillés, nous n'a plus le droit. Comme elle a la fine mette un loi. Laisse pas nous causer. Tous autres ma coterie, laisse pas nous causer. Tout pays la peau pourrie, laisse pas nous causer. Il manque à ni la vie, laisse pas nous causer. À nos enfants la réunion. Côté, nous la fin fatiguée, laisse pas nous causer. Les joies n'a révolté si laisse pas nous causer. Nous les traumatiser, laisse pas nous causer. Trop conditionnés, laisse pas nous causer. Nos enfants la réunion. Ça nous t'est vive, t'es notre liberté. Nous l'a pas volé, nous l'a mérité. Côté, laisse à nous tranquille, t'es sans nous causer. Ça t'est nous tracé, calisé. Et donne à nous un place pour dire parole. Arrête, dis-nous les pas capables. Et à nous rase pas nous-mêmes, nous les pas plus mal. Tout sommet, ça nous même y trace. Oh, oh, yeah. Oh, oh, oh. Tivani, tivani, oh, ouais. Tivani, tivani, oh, ouais. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Vous réveillez avec nous, vous dormez avec nous, vous êtes bien sur Première et restez-y parce qu'on va vous faire plaisir jusqu'à 8h et puis au-delà avec Jackie Revel qui nous suivra juste après avec la Cole Jacques et Ticoc Velay. Laisse pas nous causer. Non, fait, franchement, hein, tu peux continuer, peux hein, Isa. Ça te dérange pas si je mets mon petit non, citron dans pas du tout. Mon lot chaud pour maigrir, soit disant. Lâche-toi, fais du bruit. Fais c'est du bon bruit. Pour la circulation. On a vraiment... Open bar, hein. Open bar, 5h45. Ça monte, ça ici, sur Première. À tout de suite, on va sur le marché. Première. Réunion Première, le son de l'océan Indien. Est-ce que tout le monde est dans la place? Réunion Première vous invite pour Enfants Zillois, un grand concert le vendredi 7 octobre au Petit Stade de l'Est. 3 heures de show en live à partir de 20h avec l'Indigo, Désiré François et Cassia. Ça va, gagnez vos places en jouant tout au long de la journée sur Réunion Première. Les 23 et 24 septembre prochains, c'est la 7e édition du Festival Kaloubang au Parc des Expositions et des Congrès de Saint-Denis. Retrouvez en concert Morgan Héritage, Kalash, Kiltir, Esther Rada. Et venez découvrir le chanteur haïtien Bitova au bass. Toute la programmation et les infos pratiques sont sur kaloubang.re. Première. Et tout à l'heure, on parlait de tuk-tuk, de tuk-tuk, de tuk-tuk, de tuk-tuk, enfin de tuk-tuk dans le tuk-tuk. Eh bien, il faut savoir qu'à Saint-Gilles. Des tuk-tuk ou quoi? Il y a un tuk-tuk à Saint-Gilles, oui. Ben, on peut boire un café dedans. Il y a même deux tuk-tuk du côté de Saint-Gilles. Ben, salut à l'anonyme sur le 06 92 70 2000. Eh bien, on n'ira pas en Thaïlande, on ira à Saint-Gilles. Voilà. Moi, bah c'est oui, plus simple, c'est moins aussi. Cher. Ah, ça, c'est allez, sûr. Ça fait moins dépenser d'essence. Tu m'étonnes. Faites le plein de saveurs en direct du marché avec Espace Fraîcheur. Du côté de Sainte-Suzanne sur le marché forain, Prisca, comment il est? Ben il est là et Patrick, il aimerait bien Batacaré dans le tout. Ah, tu m'étonnes. Bonjour. Salut Patrick. Bonjour. Bonjour, bonjour Réunion Première. Bonjour Patrick. Et Patrick, comment il dit Tuk-tuk ou Tuk-tuk? Tuk-tuk. Ah oui, alors il y a Tuk-tuk lui. On a trouvé une troisième expression. C'est un mélange de Tuk-tuk et de Tuk-tuk. Tuk-tuk. Tuk-tuk. Donc c'est le Tuk-tuk. C'est sympa de rouler en Tuk-tuk, mais il n'y en a pas ici à Sainte-Suzanne. Non, il y a des chemins de fer. Oh, des chemins de fer qui se mangent. Ah oui, qui se mangent. C'est bizarre ce que vous racontez. Pas dans les commerces déjà, le parfum que je fais. Ah oui, parce qu'en fait, Patrick, il propose du chemin de fer au caviar de pamplemousse. Ah ouais. Oh. Quand même. Oui, il y a caviar pamplemousse, litchi, à la mangue, au goyavier, et après crème au beurre. Mais Patrick, oui. Comment on fait du caviar de pamplemousse? Oh, c'est secret de famille. Ah. Dira pas nous, les, dis pas. Vous faites déjà du pamplemousse, c'est ouais. Ça déjà. C'est mieux. De la pub de pamplemousse. Vous faites cuire Oui, c'est comme, comme une confiture avec la pub de pamplemousse. Mm-hmm. Ouais. Donc il faut venir goûter le chemin de fer au caviar de pamplemousse. Bon. Ça coûte plus cher que le chemin de fer traditionnel, Patrick? Non. Chez moi, tout est même prix. Donc, ouais, c'est à combien? 1,50€ et... Oh, c'est un ticket de train, c'est ça. 1,50€. Il est bien organisé, Patrick, parce qu'il a ramené une cafetière. Vous offrez aussi le thé ou le café. Le thé, hein. Cappuccino, et café noisette, et café nature. Bon, il y a tout ce qu'il faut pour vous réchauffer ce matin. Un café tchouk-tchouk si vous passez sur le marché forain de Sainte-Suzanne. Arrêtez-vous, il y a un parking. Et on vous rejoint ici sur Réunion, avec Réunion Première. Et il y a aussi de l'autre côté Aurélien, comme je vous l'ai dit, le petit pâté, vous l'avez vu sur la page Facebook, les amis. Oui, sur la page Facebook Réunion Première et Grand Matin aussi. Hein. Même. Voilà. Voilà. Donc, et accessoirement, il y a quand même des légumes et des fruits. Hein, sur quand le même. C'est bien aussi. Ouais. Il y a des oranges pays, des tomates, où le prix a baissé, on a vu ça hier. Et je vous donnerai le prix du kilo de tomates dans un instant sur Réunion Première. Allez, on verra si on peut en acheter et combien on peut en acheter surtout. C'est ça surtout. Merci Prisca. Préparez la aïe, aïe, aïe. À tout à l'heure. Faites le plein de saveurs en direct du marché avec Espace Fraîcheur. Ouais, parce que ce matin, le pâté piment, caviar de pamplemousse, ce sont des produits originaux, hein, faut le c'est dire. C'est ça, mais il y a aussi tous les c'est produits pas bon basiques. Pour les abdominaux, oui, les produits originaux comme ça. Hein, ça fait longtemps que tu as oublié les abdos, Isa, non? Oh, toi, l'homme avec un seul abdal, là, on reste tranquille. Hein, reste enfin tranquille. Non, deux. Après. Je ne montre pas le deuxième parce que c'est un peu indiscret. 5h49. Oh là. Grand matin, le mixeur. Non mais je parlais de rien de spécial. Hein. Non mais j'ai bien compris, de toute façon, chose vantée par soi-même, connaît. N'importe quoi. 5h50 sur Première. Elle s'imagine des trucs là déjà. N'importe quoi, c'est toi tu dis n'importe quoi. C'est pas possible. Ben bon. Non, mais sans tes couilles. Alors heureusement que je dis pas tout ce que dit la voix du studio quand même parce que c'est... Voix du studio, elle était pas possible. Voilà. Mais vous écoutez Réunion Première, hein, vous inquiétez bien, pas, oui. Nous sommes pas dans le journal de je ne sais oh, quoi. Hey. Bon, là, le mixeur alors. En tout cas, mixeur du 20 septembre. Heureusement, le DJ Fou cause pas non DJ Fou est là. DJ Fou qui cause pas mais qui mixe deux titres, deux artistes. Voilà. Il faut trouver les titres ou les artistes. C'est ça. Qui ça y chante ou bien c'est quoi le titre de la chanson, pas plus compliqué que ça. C'est ça. À la clé, deux invitations pour ce grand concert enfants zillois, petit stade de l'Est. Grand. Ah oui, il y a qu'à l'ambiance. Donc si vous voulez y aller, c'est maintenant 02 62 99 2000. C'est quoi le mix? Attends. Il y a un truc à faire avant. On prend le coton-tige. Voilà, on s'ouvre bien les oreilles parce que le matin, des fois, il y a Il faut bien un écouter, petit peu écoute bien. De pâté qui traîne dans les oreilles. Oh. Bon, allez, c'est parti. Comment nous l'arriver, oh, facile. Ça nous connaît pas. Détroit et Dimitrop l'a transformé. Là, on pouvait pas faire plus simple. Ouais. Et là, il dit quoi? Il dit quoi? Eh ben, il dit rien. Voilà. Ah, c'est ça. Allez, hyper simple, hyper facile. Remets ma chanson. DJ Fou, il coupe quand il faut pas. Isa, tu es Spice ce matin. Oui, je suis Spice. Allez, on accueille l'auditeur au standard. Bonjour, l'auditrice. Allô, oui, bonjour. Eh ben, c'est un auditeur. Salut, c'est qui à l'appareil? C'est Jonathan. Comment il est? Salut, Jonathan. Ah, tranquille. Jonathan tranquille. Et Jennifer. Ah oui, l'amour du risque. Jonathan et Jennifer. Ça va, Jonathan? Ouais, ça va. Bon. Vous avez les Jennifer? J'ai fait mon calme. Jonathan, quel est le titre? Vous l'entendu, le bonne chanson? Ou les artistes, comme on veut. Oui. Alors, c'est quoi? Alors Le premier, où ça s'en va, non? Avec oui. N'a des millions d'années. Qu'est nous les là? Comment nous l'arriver? Ça nous connaît pas. Et le deuxième? Beyoncé. Ah bah non, pas Beyoncé. Beyoncé. Oh là là, Beyoncé. Non, Jonathan. Bah Jonathan. Hein? Comment? Ah bah tu as chanson, tu me suis. Ahmed. Si vous Ahmed. Ouais, vite fait. Allez, vite main, écoute bien. Vite fait, bon ça on a trouvé déjà. Voilà, ça c'est où ça nous ça va avec. Bon, ça t'est facile. N'a des millions d'années. La transformer. Et le deuxième, c'est pas Beyoncé, c'est bien plus vieux que ça. C'est un groupe de tantines. 96. Écoute. Ah. Alors. Alors. Oui, eh ben voilà, mon cher Jonathan. Eh ben voilà, bon. Félicitations. C'est gagné, Jonathan. Les deux places concert, l'épouse, enfants Zilois, le 7 octobre au petit stade de l'Est. Et pour ça, tu veux savoir plus avant le concert, sachez que vendredi, Nora Teddy Mutalika, l'organisateur du concert, que sera avec David l'après-midi. Dans donc le bon pour tempo. Tout raconte à Zot entre 16 et 18 heures. Jonathan. Félicitations. Merci beaucoup. Eh ben vous direz à Jennifer que c'est gagné, hein, que c'est voilà. Bon, vous allez en concert. Non, embrasse à elle. À salut bientôt. Jonathan. Merci, allez, bye bye. Bonne journée, salut. Il est 5h54, voici les avis de décès. Les avis de décès avec Réunis Solidarité, Mutuel Obsèque et Complémentaire Santé. Réunion première vous fait part du décès de Madame Paula Marie Huguette. Madame Paula Marie Huguette, le décès est survenu hier à l'âge de 63 ans. La veillée se tient à son domicile au 45, chemin Sainte-Terne, à Boisdeneuf-Saint-Paul. La date et l'heure des obsèques seront communiquées ultérieurement. Décès de Monsieur Verdi, Joseph Angelo. Monsieur Verdi, Joseph Angelo, domicilié à Petite-Île, à Saint-Pierre. Le décès est survenu hier à l'âge de 93 ans. La veillée mortuaire se déroule au centre funéraire du Sud. La date et l'heure des obsèques seront communiquées ultérieurement. Décès de Monsieur Elisabeth Jean-Paul. Monsieur Elisabeth Jean-Paul, dit Cartouche. Le décès est survenu hier à l'âge de 66 ans. Le recueillement se tient actuellement à son domicile, au 33, allée Cerneau, à Dodane, à la Possession. La bénédiction aura lieu aujourd'hui à 15h en l'église de Dodane, suivie de l'inhumation au cimetière du même lieu. Décès de Monsieur Turpin, Harry Paul. Monsieur Turpin, Harry Paul. Le décès est survenu hier à l'âge de 65 ans. La veillée se déroule au centre funéraire du Sud. La date et l'heure des obsèques seront communiquées ultérieurement. Réunion première présente aux familles endeuillées ses sincères condoléances. Les avis de décès avec Réunis Solidarité, Mutuel Obsèque et Complémentaire Santé. Et Mickaël, des infos pratiques. On va prévoir des coupures d'eau aujourd'hui, notamment à Possession à partir de 9h, rue des Flamboyants, Auchimine, Roche-Glisse, lotissement Adagio, les Coteaux de Bourbon, les Portes de l'Océan et Cache-Cache, remise en eau prévue à partir de 15h. À partir de 11h, alimentation interrompue à Saint-Denis, allée des Bois de Jolicoeur, des Héliconias, avenue Hubert de Lille, place Ambroise-Aulard, rue Ambroise-Aulard, Leblon, ruelle du Couvent, groupe scolaire Gabriel Massé. Toujours à partir de 11h, allée des Tech, des Sous-Bois, chemin des Acajou, des Bringeliers, chemin Finette, partie comprise entre le chemin des Acajou et l'allée du Sous-Bois, route de Boisneuf, partie comprise entre le chemin Bancoul et le chemin des Cypres, lotissement Lorette, école des Bringeliers. Attention, des perturbations dans la distribution de l'eau sont à prévoir dans les impasses et les voies adjacentes. Remise en eau à partir de 17h30 jusqu'à 18h sur ces secteurs. Commune de Saint-Joseph est concernée aussi avec une distribution en eau perturbée, voire interrompue de 13h à 16h. Rue Aimé Turpin, Léon Dirks, Amiral Courbet, François Mauriac, des Jacques, Henri Mussard, chemin des Moineaux, des Martins, impasse des Renoncules et toutes les voies adjacentes. La remise en eau se fera des achèvements, des travaux, des coupures d'électricité aujourd'hui. Aussi mardi 20 septembre à Petite-Île de 9h30 à 15h30, impasse des Canaries, rue du Casino, rue du Stade, à la Possession de 8h à midi, rue André Le Toulec, chemin Ancely, Cacao, Karl Marx, à Saint-Paul de 8h15 à 16h, à la Saline Léo de 8h15 à 13h30, donc chemin des Artichauts, Ville-en-Trois, Auffaut, route Hubert de Lille, rue Thorane, Chamin et Lama, chemin Terre Rouge, des Barrières, rue Ligue d'Amis, chemin Admet, impasse des Balsamines, chemin des Pâtissons et impasse des Calbasses, à Boisneuf de 13h20 à 16h30, en partie sur le chemin Gonneau. et de la Hogue, donc de 13h20 à 16h30. Bois de Neuf, coupeur d'électricité aussi à Saint-Pierre. Aujourd'hui, Rami des Cabrés, chemin T. Georges Warraud, impasse des Grenades, chemin Saint-Sauveur, allée Raymond Gobalou et allée Vincent Séry. Je regarde une dernière fois en ce qui concerne les coupures d'eau, les informations que je vous donnais à l'instant. Pour les coupures d'eau, elles auront lieu donc mercredi 21 septembre, pour toutes les communes que je vous ai citées et non aujourd'hui. Ah. Mardi 20 septembre, voilà pour la petite rectification. Vous aurez de l'eau, mais pas d'électricité hein, dans certaines communes. C'est ça. On en fait un gros bisou à Nadine du Guillaume qui m'en a nous quand ça nous fait un concert, elle nous chante bien. Ma fille, il nous fait ça bientôt, là, le soleil sort plus. Avec Louane peut-être. Peut-être. Tourne sur première. Dehors, j'ai besoin d'oxygène encore. À la semaine prochaine, si le vent te ramène. J'ai pris froid hier. J'ai attendu des heures entières à marcher sur les toits. J'ai tant besoin de toi. Et moi, je sais qu'on se reverra avant l'hiver. Que tu te souviennes à l'amour, à la haine, tes envies d'ailleurs, propager le feu dans les cœurs et courir sur les toits. J'ai tant besoin de toi. Je sais qu'on se reverra avant l'hiver. Non, mais c'est bon, Isa. C'est bon, Isa. Ça va, ça va, ça va, Isa. Pas tout de suite, pas tout de suite. Tout à l'heure, les cours de chant. Bonjour, Michael. Salut, Jean-Claude. Ça va? Ça va? Il arrive là, il vient ici. C'est pas son lieu, il faut nous dépêcher encore. Jean-Claude Machir. Jean-Claude Machir, que vous retrouverez à Sillaos pour le Sillaos Art. Ça sera toute la journée en fil toute rouge. Toute la journée, toute la semaine, en fait, jusqu'à au moins dimanche. Il est venu tâter mes abdos. L'abdos. Enfin, j'ai vu un abdos, mais c'est pas vu l'autre. Hein. J'ai rien senti. Bah si, t'as les autres. Les autres, tu les as tâtés, les autres, là. Ils sont là, regarde. Regarde. Là, ici. Bon, il n'a pas compris, lui. Allez, bon, assez, c'est assez. Pas grave. Avec des histoires. Salut, italien. Jean-Claude Machir. Il est 6h sur la première. Le journal de la rédaction est présenté par Florent Marot. Bonjour Florent. Bonjour Isabelle, bonjour à tous. La Réunion a perdu 7000 touristes en un an. L'IRT a donc décidé d'agir. L'île de la Réunion Tourisme a présenté la semaine dernière son nouveau logo. Un logo qui sera présent au salon Top Reza qui démarre aujourd'hui à Paris. Reportage dans ce journal. La ville de demain, un plus pour attirer les touristes. La possession et le port ont signé une convention hier avec l'État, la Caisse des dépôts et le TCO. Objectif, financer des actions innovantes dans le cadre du projet Éco-Cité. Plus de 700 000 euros vont être débloqués. Le déblocage des aides, c'est ce qu'attendent les planteurs de canne. Ils se disent aujourd'hui pris à la gorge et ont décidé d'agir. Depuis hier, la CGPER bloque les usines du Gol et de Bois-Rouge. Et puis en sport, football avec Yves Etève et Noël Vidotte, un troisième homme brigue la présidence de la Ligue réunionnaise de football. Son nom à la fin de cette édition. 190 000 au premier semestre 2016, 197 000 l'an dernier à la même époque. Le nombre de touristes est en baisse alors que démarre à Paris le salon Top Reza. La semaine dernière, l'IRT a présenté son nouveau logo, mais aussi une nouvelle vidéo de promotion. Le slogan, lui, reste le même. La Réunion île intense, une évolution plus qu'une révolution pour ramener plus de touristes. Christelle Floricourt. Ce sont un peu plus de 420 000 touristes qui ont choisi La Réunion comme destination l'année dernière. Des visiteurs avec un budget moyen de 75 euros par personne. Un chiffre en hausse par rapport à 2014, mais qui pourrait encore augmenter pour Stéphane Foissin, président de l'IRT. On a besoin de tourisme. Le poids du tourisme à La Réunion, c'est 306 millions d'euros injectés dans l'économie réunionnaise. Ce qu'il faut, c'est que le touriste vienne, mais dépense aussi plus. Le fait de faire un tourisme d'expérience, où le touriste va participer, et ça, c'est une plus-value, parce que le touriste est prêt à payer un peu plus pour vivre ces expériences. Payer pour partager une expérience, être en contact avec la population locale, une dynamique qui conduirait à la dépense touristique et pour cela une vitrine, le salon Top Reza à Paris. Du 20 au 23 septembre, le stand réunionnais fait peau neuve. L'IRT lancera même sa nouvelle application, un rendez-vous qu'il ne faut pas rater selon Willy Etève, directeur de l'IRT. L'impact, on le suit d'année en année parce que les tours opérateurs qui programment la destination continuent à la mettre en avant et suite au salon Top Reza, dans les 3-4 mois qui suivent, on a des campagnes de communication qui sont lancées par les tours opérateurs parce qu'on a su les séduire. Ne pas participer à Top Reza, ce serait de se priver de dizaines de milliers de touristes à La Réunion. L'île de La Réunion Tourisme compte également sur son nouveau film pour promouvoir la destination Réunion auprès des 30 000 professionnels du tourisme présents au salon. Et pas de tourisme, évidemment, sans un aéroport moderne. Des travaux sont prévus dans l'aérogare à Roland-Garros, mais déjà, un nouveau parking ouvre ce matin, le P4, un parking longue durée. Le prix, 40 euros pour les 4 premiers jours, 10 euros par jour supplémentaire. Pour les responsables de l'aéroport Roland-Garros, cette offre répond à une forte demande et ils estiment qu'ils vont facilement rentrer dans leurs frais. On écoute Yannick Roy, le directeur du développement extra-aéronautique, et Jean-Paul Noël, le président du directoire de l'aéroport. Ça a coûté de près de 800 000 euros d'investissement. Ça amortit facilement parce qu'on a 200 places, mettez-les à 10 euros par jour. Ça fait que même à 70-80% de remplissage, ça s'amortit sur un horizon d'un an, deux ans en fait. Donc après, alors, c'est de l'argent qui va rentrer en plus? C'est de l'argent qui va rentrer en plus, mais l'idée pour nous, c'est justement de développer les recettes extra-aéronautiques pour garder les recettes aéronautiques les plus basses possibles de façon justement à faciliter l'arrivée de nouvelles compagnies aériennes, par exemple, ou le développement des compagnies aériennes qui sont chez nous actuellement. Bien évidemment, plus on génère de la recette extra-aéronautique, moins ça va impacter, notamment, ça va être impacté sur les redevances aéronautiques. Donc les billets d'avion. Donc les billets d'avion en conséquence. Des réactions recueillies par Bruce Régent. Vous pouvez réserver votre place sur Internet ou bien sur place directement. Elle avait justement pris l'avion et tenté d'introduire 4000 comprimés de Rivotril à La Réunion. Une sexagénaire a été mise en examen hier et incarcérée. Selon la presse écrite de ce matin, elle avait scotché les sachets sur ses jambes. La mule est aujourd'hui à la prison de Domingeot. Elle a été interrogée sans succès pour l'instant. Les enquêteurs veulent évidemment savoir qui était le commanditaire. Place maintenant à la ville de demain. Deux communes, La Possession et Le Port, ont signé hier une convention avec l'État, la Caisse des dépôts et le TCO. Plus de 700 000 euros vont être débloqués pour financer des actions innovantes dans le cadre du projet Éco-Cité. Quatre dossiers ont été présentés par la mairie de La Possession, notamment l'implantation d'îlots de fraîcheur et la dépollution dans les aménagements publics. Pour le sous-préfet de Saint-Paul, Frédéric Carré, ce projet Éco-Cité pourra servir à d'autres départements d'outre-mer. Ce projet, il est emblématique. Il a une vocation à être dupliqué. Concept de ville insulaire et tropicale, donc à la fois dans les autres territoires ultramarins et pourquoi pas être aussi un laboratoire d'idées pour les autres villes tropicales de cette partie du monde. Donc de ce point de vue, les élus, les maîtres d'œuvre, la Caisse des dépôts, l'opérateur, l'État ont un rôle tout particulier et une responsabilité toute particulière compte tenu des enjeux qui sont liés à ce projet qui, ne l'oublions pas, vise aussi à davantage contrôler l'urbanisation, à éviter l'étalement urbain et derrière éviter l'artificialisation des espaces agricoles et naturels. Frédéric Carré, sous-préfet de Saint-Paul, au micro Réunion Première d'Hubert Debeux. À Sainte-Marie, un nouveau TCSP, transport en commun en site propre, a été inauguré hier. La nouvelle route réservée aux bus, aux taxis et aux vélos relie le quartier de Beauséjour à celui de la Mare. Au total, 10 mois et plus de 4 millions d'euros ont été nécessaires à la construction de ces 2 km 300 de bitume. 6h06 sur la première, la suite du journal Florent Marot. Avec la colère maintenant, des planteurs de canne, une centaine d'entre eux bloquent depuis hier les usines du Gol et de Bois. Bois Rouge. Il réclame le versement immédiat des aides promises par l'État, indemnités compensatoires, handicap naturel et aide à la production, notamment. Les planteurs se disent pris à la gorge. La CGPER exige le paiement des aides pour lever les barrages. Nous serons sur place en direct à 6h30. Les salariés des TPE, les très petites entreprises, vont prochainement voter pour leur syndicat. Ce sera du 28 novembre au 12 décembre. En 2012, un peu plus de 5% d'entre eux s'étaient exprimés. Et cette année, ce sont 59 420 salariés qui sont concernés, 10 000 de plus qu'il y a 4 ans. Un vote encore plus important cette année, puisqu'il va non seulement donner plus de poids à un syndicat, mais surtout désigner les représentants dans les commissions paritaires régionales interprofessionnelles. Pierre Mercader, adjoint responsable du pôle travail à la direction du travail. Cette élection est importante parce qu'elle va permettre aux salariés des TPE de moins de 11 salariés de désigner leurs représentants à une commission paritaire régionale interprofessionnelle qui va les représenter et qui pourra permettre de défendre leurs droits et de résoudre des conflits dans les petites entreprises. C'est une nouveauté, dans les entreprises de moins de 11 salariés, il n'y a pas de délégué du personnel, il n'y a pas de comité d'entreprise, donc les salariés se retrouvent souvent face à leurs employeurs et donc ça va permettre à ces salariés d'être représentés par des représentants d'organisations syndicales. Pierre Mercader, adjoint responsable du pôle travail à la direction du travail, interrogé par Daniel Dambreville. Allez, on passe au sport. L'élection à la Ligue réunionnaise de football, c'est dans 3 mois, le 18 décembre exactement. Et après Yves Etève et Noël Vidotte, un troisième homme vient de se déclarer candidat à la présidence. Son nom, Yves Dupuis, 66 ans, ancien directeur du pôle espoir de la Plaine des Cafres entre 1999 et 2008, conseiller technique régional également. Il pense avoir un rôle à jouer aujourd'hui dans le foot local. C'est la fin de ce journal local justement. Place maintenant à l'actualité nationale et internationale avec nos confrères de France Info. Et on parle ce matin avec Anne-Charlotte Costabadi de la mise en garde des USA. Les États-Unis mettent en garde la Russie et se disent scandalisés après des bombardements dans la région d'Alep, en Syrie, hier. L'armée syrienne avait déclaré plus tôt ce lundi la fin de la trêve des combats initiée il y a une semaine par Washington et Moscou. Des quartiers rebelles d'Alep ont été bombardés dans la foulée. Également un convoi humanitaire visé dans la région. Au total, 36 personnes ont été tuées, dont 12 humanitaires du Croissant-Rouge et donc des chauffeurs de camions. Les États-Unis soulèveront la question directement auprès de la Russie, a déclaré le porte-parole du département d'État, John Kirby. Déclaration depuis l'Assemblée générale annuelle de l'ONU à New York. Les 193 pays membres sont réunis toute la semaine autour de la crise des migrants et des réfugiés. C'est l'ouverture du débat général aujourd'hui avec les chefs d'État. Le président François Hollande y prendra la parole dans la journée. Et toujours aux États-Unis, le principal suspect en lien avec les attentats à la bombe à New York et dans le New Jersey ce week-end, inculpé pour tentative de meurtre sur 5 policiers et possession d'armes. Cela fait suite à son interpellation à Linden dans le New Jersey. Il avait été blessé après des échanges de tirs avec des policiers venus l'interpeller après une chasse à l'homme. Ahmad Khan Rahami, un Américain d'origine afghane de 28 ans, est le seul suspect des explosions qui ont fait samedi soir 29 blessés à New York. Les attentats n'ont pas été revendiqués et pas encore d'inculpation liée à ces attentats. Un homme de 35 ans grièvement blessé au fusil de chasse hier soir à Marseille. C'était vers 20h dans une cité des quartiers nord. Cet homme qui était récemment sorti de prison et portait un bracelet électronique, son pronostic vital n'est pas engagé. Il s'était vanté sur les réseaux sociaux et auprès de plusieurs médias d'avoir déclenché la fausse alerte attentat samedi au centre de Paris pour faire le buzz. Un adolescent de 16 ans interpellé dans la Marne et la brigade criminelle à Paris, c'était hier. Un autre garçon de 17 ans est toujours recherché. Ces deux hackers avaient piraté le téléphone de l'église Saint-Leu et appelé la police pour signaler une prise d'otage. Une centaine de policiers avaient été mobilisés. Le ministère de l'Intérieur annonce qu'il va se porter partie civile pour obtenir réparation. C'est le début de la 6e journée de Ligue 1 de football. Ce mardi soir, 2 matchs au programme. Lille reçoit Toulouse à 19h. À 21h, le PSG accueille Dijon. Le Paris Saint-Germain devra à nouveau se passer d'Atem Ben Arfa. C'est la 3e fois consécutive. L'entraîneur Unai Emery assure qu'il ne s'est basé que sur des critères sportifs pour cette décision. C'est une petite révolution pour les 310 millions d'utilisateurs du réseau social Twitter. Il sera désormais possible d'utiliser pleinement les 140 caractères, même avec l'ajout, par exemple, de photos ou de vidéos. Le groupe américain est en perte de vitesse. Il espère donc se relancer. Le temps ce mardi, avec des minimales qui continuent de descendre, de 8 à 14 degrés en général, 14 à 18 le long de la Méditerranée, entre 17 et 20 l'après-midi, de 23 à 25 dans le sud-est jusqu'à 26 à Montpellier. C'est le seul endroit où il fera beau. Partout ailleurs, des nuages. La pluie fera son apparition dans la matinée sur les côtes de la Manche, avant de se décaler au fil de la journée vers le centre-val de Loire, l'Île-de-France et la frontière belge. Il est déjà 6h12 sur la première. Et on prend son café ou son thé sous la fraîcheur et les nuages, Mickaël. Et même quelques averses dans le cercle de Cilaos, la plaine des Cafres ou encore du côté du baril Saint-Philippe. Il a plu tout à l'heure, il pleut peut-être encore en ce moment. En bref, vous prenez donc une ligne Sainte-Clotilde-Saint-Joseph, ouais. Et vous séparez la Réunion en deux. À l'ouest de cette ligne, donc entre la Possession, en passant par Saint-Gilles et Saint-Pierre, là il fait plutôt beau. Aussi bien sur les hauts que sur le littoral. Par contre, à l'est, eh bien, là, on a quand même plus de difficultés à voir le soleil, avec quand même beaucoup de nuages, surtout en s'approchant des rivages de l'est et des contreforts du volcan notamment. Les pluies ne seront pas rares dans ces régions donc ce matin, puis progressivement les éclaircies vont revenir. À l'ouest, ça sera plus dégagé, mais cet après-midi, entre Saint-Denis et Saint-Paul, on va voir s'installer aussi une couverture nuageuse. D'ailleurs, sur le chef-lieu, ce matin, c'est pas non plus très beau. Entre Saint-Denis et Saint-Paul, donc cette couverture va donner peut-être quelques petites ondées par moment, débordées sur le littoral, et le littoral sera aussi ennuagé. Le littoral de l'ouest et du sud-ouest, donc Saint-Pierre et les plages, devraient rester sous les éclaircies. À l'est, ça sera toujours difficile. Ce matin, on serait avec 3 degrés au volcan, 8 degrés à la plaine des Cafres, 7 à Cilaos et 18 à Saint-Gilles. À noter le vent qui soufflera encore aujourd'hui. 60 km/h de rafale sur Saint-Pierre et Saint-Denis. On va prendre des nouvelles du trafic et un accident à signaler sur la 4 voies de Sainte-Suzanne au niveau du Grand Asier. Bonjour Yves. Bonjour Isabelle, bonjour Mickaël. Ça fait à peu près une demi-heure que s'est produit cet accident avec un véhicule réformé. La pas de notion de bilan, la bande d'arrêt d'urgence est neutralisée. Mais la voiture est détruite, elle a tapé donc un poteau, donc ces fameux PPHM que l'on installe un peu partout en ce moment. Ce sont des poteaux de pré-signalisation, donc pas de signalisation de sortie, des bretelles, etc. Donc sur le bord des 80, on en installe un peu partout en ce moment, donc les travaux de nuit, et là donc le véhicule est allé taper ça, donc il a fait une sortie de route en fait, dans cette grande ligne droite, puisque le Grand Asier c'est quand même une ligne droite. Alors qu'est-ce qu'il passait, on sait pas trop, et c'était tout à l'heure à 6h20. Attention, circulation alors qui se passe à peu près normalement, bien sûr, pour aller vers l'est, c'est-à-dire dans le sens où s'est produit l'accident, puisque c'est en direction de Sainte-Suzanne hein, que s'est produit l'accident, au centre de Paris Sainte-Suzanne. Mais par contre, dans l'autre sens, effectuosité, le bouchon bien senti hein, depuis Saint-André en ce moment. Et en plus, on est mardi, jour de marché. Donc, ça va pas vraiment être facile le temps de dégager ce véhicule. Il n'y a plus rien à observer. Alors, une fois passé la zone, vous roulez tout à fait normalement. Sauf en arrivant sur Saint-Denis, là, il y a un bon petit ralentissement sur la fin du Lancastel, avant le pont Pasteur sur la voie de droite essentiellement. Puis un gros trafic pour rejoindre la route du littoral. Pour le moment, l'entrée ouest, bah, ça roule plutôt bien si vous arrivez de la Corniche. Et les bouchons sont à hauteur de l'échangeur de Plateau Caillou. Pour la partie ouest, voilà, c'est terminé pour les fêtes de la Salette, quoique, puisque la rue haute reste fermée jusqu'à au moins demain dans la journée, le temps de démonter toute la fête foraine. Et il y a encore la fête dimanche pour le troisième âge. Grand matin avec Isabelle Waraud et Mickaël Laurette. Alors, mais vous de patience. Patient et surtout roulé hein, entre l'est et en direction de Saint-Denis. C'est mardi, c'est jour de marché en plus. Il y a un accident, mais pas dans le sens qui doit coincer. Et ben, ça freine parce que les gens regardent dans l'autre côté. Avance. Bon, avancez un peu prudent, parce qu'il hein. faut travailler avant tout. Ouais. Et il y en a plein qui attendent pour aller bosser. 06 92 70 2000, si vous voulez nous lâcher un petit message. Ça, c'est possible comme tous les matins. On ira sur le marché avec Prisca tout à l'heure, à Sainte-Suzanne, justement. Oui. Et on vous fera gagner. De quoi vous mettre bien pour un petit repas, hein, des fruits, des légumes, tout ce que vous voulez chez Espace Fraîcheur. 20 euros, c'est le bon d'achat à rafler. Ça se passe au 02 62 99 2000, bien sûr. Faut être rapide, faut y aller. On vous le dira. Au moment où vous lance l'alerte, vous appelez 02 62 80 19 2000. Et maintenant, on a un duo qui a fait le journal hier, le journal de Valérie Philin. Ah bah c'est normal, OT. La petite Anouchka, qui a été repérée par Kid Créole la première saison. Bah oui, elle a gagné sur Réunion Première en télévision. Et la deuxième saison arrive d'ailleurs. Bien sûr. Continuez de vous inscrire pour le casting sur le site kitcreole.re. Ça même. Et sur la page Facebook Kit Créole. Voilà, ça concerne les marmailles jusqu'à 15 ans. Il doit y avoir des talents quand même. Pour vivre ici, le rêve d'Anouchka. Si Anouchka qui va peut-être continuer en solo. C'est Pixel qui l'a dit hier. Ouais. En tout cas, Pixel et Anouchka, le titre exclusif. Ah oui, il n'y a rien qu'ici, il se passe ça. Hein. Il n'y a qu'ici sur Réunion Première, vous l'écoutez. Ailleurs. Oui, monsieur. Ça s'appelle Mon Étoile. Oh, c'est mignon, écoutez ça. Et c'est pour vous, ce Première, on adore. Oui. Pixel en exclusivité sur Réunion Première. Écoute Mon Étoile avec Anouchka. La la la la la la la la la. Sois là où vont mes pas. Il me faut ta présence. Réponds-moi. J'ai cherché l'amour où il n'était pas. La clé de ma destinée est dans ta poche. Je vois le mal où il n'est pas. Et tu m'aides à rester debout quand c'est dark. J'ai besoin des autres et peur d'être à part. Tu me permets de tenir quand je décroche. Je sais que tu es là quelque part. Si je te perds, c'est de ma faute. Car je combats mes démons. Rien n'est impossible. Et m'y connais maintenant. Mi pecuntili. Je sais que je peux compter sur mon étoile. J'ai rêvé d'aller là-haut, d'aller la voir. Que mon chemin s'éclaire, être sous sa lumière. Et si je suis tête en l'air, c'est pour la voir. Compter sur toi pour veiller sur moi. Je te vois les yeux fermés. Je réalise que tu es partout et tu m'épaules. Et j'avance jusqu'à trouver quel est mon rôle. Auprès de toi, ce chemin me paraît moins long. Et je sais, oui je sais, que je peux compter sur mon étoile. Je sais qu'elle sera toujours là, juste là avec moi. Je sais que je peux compter sur mon étoile. Yeah. J'ai rêvé d'aller là-haut, d'aller la voir. Que mon chemin s'éclaire. On laisse Anouchka chanter quand même. Ouais. Elle est énorme. Ah ouais. Cette petite, elle est trop mignonne en plus. Et vous l'écoutez en exclusivité sur Réunion Première, Pixel. Ah, ça nous fait plaisir de vous passer ça. Hein. Un titre que vous n'écoutez qu'ici, bah oui. Sur Réunion Première, dans Grand Matin. Et que vous, chez nous. Vous avez compris les marmelles qui nous écoutent jusqu'à 15 ans. Pour vivre le rêve d'Anouchka, il suffit de s'inscrire. Hein, voilà, www.kidcreole.re. Ça va sur le site, tout l'expliquer. Il y a une petite fiche à remplir. Et après, un duo avec Pixel. Et ce titre sur l'album Nouveau Départ qui sort vendredi, on aura Pixel dans Grand Matin. De toute façon, pour en parler cette semaine, il sera avec nous, il sera réveillé. Oui, sûr. Oui, c'est sûr. Allez, à tout de suite. Retrouvez les avis de décès tous les jours sur Réunion Première à 5h50, 11h50, 13h50 et 17h50. Les avis de décès avec Réuni Solidarité, Mutuelle Obsèques et Complémentaire Santé. Réunion Première vous invite pour la Nuit Étoilée, une rencontre musicale afro-caribéenne le samedi 8 octobre à partir de 20h30 au parc Expobat de Saint-Paul avec Michael, LJ, Pompis, Marvin, Felicia Ross et plein d'autres artistes. Jouez et gagnez vos invitations en écoutant Réunion Première. Et tentez de gagner vos places pour la soirée VIP du jeudi 6 octobre. Première. La petite musique retentisse qui veut dire qu'il va falloir appeler. Eh oui, le 02 62 99 2000 pour repartir avec votre bon d'achat de 20 euros valable dans les magasins Espace Fraîcheur pour acheter des fruits, des légumes, ce que vous voulez. Oui, on peut faire un mix. Ah là, ça sonne sans là. Sans problème, ça sonne et on va faire comme d'habitude. On va prendre cette petite carte de la Réunion ouais. Et on va pointer le nord, le sud, l'ouest ou l'est. Allez, là. Dis-moi, Isa. Ah, le nord, juste là. Le allez, nord ou pas, ouais. Le nord. Allez, cliquez. Allez, on prend le nord et on prend le chef-lieu. Voilà. Saint-Denis. Allez. Et on accueille Sylvaine. Bonjour, coucou, Sylvaine. Bonjour. Comment il est? Ah, bah ça oui, va. Où est en forme. Je viens de me réveiller, là. J'entends ça, je vais courir. Bah, t'as bien, ma fille. Bien raison, Sylvaine. Elle travaille dans une école maternelle, Sylvaine. Voilà, c'est ça. Ça vous fait exactement. ATSEM. ATSEM. D'accord, c'est bien. Un tati, bah oui, politiquement mal. On en a parlé oui, dans voilà. Le matin. Bien sûr, mais bon. Il fait combien de temps où tu travailles là-dedans, Sylvaine? Oh, de là, je viens de commencer depuis février, là. D'accord. La nouvelle année qui commence. Oh, bah c'est chouette. Le travail, c'est bien. Hein c'est bien, bah, rien que ça, même si c'est bien. Sylvaine, il y a des marmailles à la maison ou pas? Une fille, oui. Eh bien, ça tombe bien pour la petite et puis pour toute la famille, vous pourrez cuisiner les fruits et légumes puisqu'on vous offre vos 20 euros. Ah, maintenant, c'est super, c'est ça. Pour voilà, vous. À Valoir dans les magasins Espace Fraîcheur. Bisous, Sylvain. Salut, bisous, Sylvain. À bientôt. Merci. Et bon réveil, bon réveil. Salut. Faites le plein de saveurs en direct du marché avec Espace Fraîcheur. Le festival de graines. Au thé marmaille. Avec Prisca. Eh oui, dans le rôle principal. Ça va, Prisca? Ça va, je suis avec Maître Jedi. Bonjour, Maître Jedi. Bonjour, c'est bizarre votre truc. Bonjour, hein. Cher auditeur, cher auditrice. Bonjour, moi, Maître. J'ai un peu de la grippe. C'est pas grave. Sinon, ça va? C'est pas grave, oui, ben, Maître va, Jedi. Mais c'est quoi ce grain de pluie-là? Aïe, aïe, aïe, on est obligé de s'abriter. Aïe, aïe, aïe. Une petite bénédiction du matin, après ça va partir. Voilà. Le soleil va réapparaître. C'est vrai, quand on regarde vers Saint-Denis, c'est bleu. Si c'est Maître côté, Jedi qui bleu, dit. Bon, c'est un petit peu gris de l'autre côté, mais bon. Enfin, bleu sur Saint-Denis, c'est un grand mot. Ça se rassure. Le ciel est. Et éclairci, c'est bon. Il y a du rouge en tout cas hein, sur les étals. Du rouge. Et là, on est devant un gros tas de tomates. Enfin, rouge, c'est-à-dire pas au niveau laitier, mais au niveau des tomates. Ah, oui. On est embêtés avec les tomates, on est embêtés. Vous êtes embêtés, mais comment ça? Mais il y a plein de tomates, ça ne vend plus rien, et on est obligé de les brader les fruits. Maître Jedi. Ben, malgré si Maître Jedi paye cher les tomates, mais il est obligé de sauver son argent. Alors, c'est donc, ça. Combien? Ben, je vous en faites pas, je vais vous dire, c'est pas de suspense. Allez, prenez un euro et vous coupez en dé, c'est un demi-euro. Oui. Voilà. 50 centimes. Un kilo de tomate à demi-euro. Je sens l'entourloupe. Il y a un festival de graines là-bas à gauche. Ah, c'est 50 là. Centimes d'euros. Dans les boîtes. Oui. Ah, c'est pas cher. Il n'y a pas trop grand chose en graines. Ah, bah, attendez, il y en a pas mal quand même. Il y a plein d'Azantac. Quelques-unes, voilà. Ouais. On va dire des graines de longtemps. Il y a des. C'est quoi ça? Pois du Cap? Il y a Pois du Cap, Wem, Zantac, Poiron et Tipois Vert et Haricot Rouge. Voilà. Bah, ça avec suffit tout déjà. Ça là, nous choisissons notre Zambrocal en fait. C'est avec ça. Tout ça là, on peut faire le Zambrocal. Zambrocal Zantac, ça l'est bon ça. Mmh. Ouais. Si, à mon avis, oui, si, ça doit passer. Ouais. Moi-même, j'ai jamais goûté. Hein. De temps, j'ai dit à maman de faire, mais elle ne le fait pas. Ah là là. Écoutez, il y aura les images tout à l'heure sur la page bleue. Les Wem, c'est bien bon. Ouais. Le Wem? Les Wem. Le Zambrocal Wem. Bon, oui, ça j'aime bien. Et comment on fait ça? On d'abord. C'est le même principe que l'haricot rouge, on fait cracher et puis voilà, c'est cuit, même pas dans 20-25 minutes. On n'a pas besoin c'est de mettre facile, ces grains, ces graines dans la cocotte, hein. C'est non, bon. Non, c'est du grain frais, ça. Ouais, donc c'est pas, cuit, ça, il cuit pas vite. Importé, c'est du pays, voilà, ça cuit en vite. 10 minutes, 15 minutes, c'est bon. Non, allez, plus, je sais pas, ça dépend du gaz, hein, ça dépend du. C'est 15-20 minutes, un truc comme ben ça. On aura ça trouvé. Dans une marmite. Voilà, on met ça dans une marmite, on va pas mettre dans une feuille de banane. C'est compliqué. Les bêtes quoi. C'est ça, elle est pas mal. Un peu quand même. On va me répéter sans arrêt, on met dans une marmite, mais c'est normal. Bah alors. Normal, Prisca, enfin. Prisca, voyons. Et Prisca, souvent dans le média, elle fait des bons petits plats. J'ai pas un à croire si elle fait des bons petits plats. Ah bah oui. Elle vite. Faut qu'elle m'invite. Aïe, aïe, aïe. Ah, la grosse drague. Bon, récapitule, Maître Jedi. Il y a donc des Wem, des Antacs sur le marché, et il y a aussi de l'ail pays et des oignons pays. Mmh. Oui, tout à fait, oui. Ça, c'est vraiment le must des must. Ouais, mais le prix. Ça, c'est le prix du terroir. Bon, ben, c'est sûr, c'est cher. Hein. Mmh. C'est du terroir. Hein. C'est. Combien le kilo d'oignons, là? J'ai peur de dire, j'ai peur de dire. Dis. Allez. 4 euros? Non, pas 4 euros, 2,50 euros. Ah, et ouais. 15 euros le kilo d'ail. Ah, quand même. Ah oui, quand même, mais ça, il ne fallait pas le dire, ça. Et un demi-euro pour le kilo de tomate. Voilà, c'est noté. Bon, quand c'est un demi-euro, on dit vraiment la vérité. Mais quand c'est 4-5 euros, on dit pas. Là, c'est exorbitant, on dit voilà. Pas, voilà, c'est mieux comme ça. On ira faire un tour. Oui. Allez, on vous attend. Merci, Prisca. Et on vous attend. Et vous en faites pas, il y a du beau temps ici. On est parfait. Avec un peu de pluie. Salut, la compagnie. Allez, ciao, bye. Salut, Maître Jedi. Faites le plein de saveurs en direct du marché avec Espace Fraîcheur. C'est l'heure de la chronique éco, on va parler de vente en ligne. Est-ce qu'il y a un marché outre-mer? La question se posait la semaine dernière à Paris où se tenait le salon du e-commerce. La chronique éco, Tessa Gromagne. En outre-mer, le consommateur a moins de choix que dans l'Hexagone. L'éloignement et l'exiguïté des lieux limitent le stockage dans les magasins. Dans ce contexte, on pourrait imaginer que l'achat en ligne y a toute sa place, sauf que le transport a un coût et que celui-ci peut être dissuasif. Outre les frais d'expédition, il y a aussi les taxes comme l'octroi de mer. Et ce n'est pas tout. Thierry Klopp de la société de transport DHL. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le e-commerce, il y a une composante qu'on néglige toujours, qui est la politique de retour. Et c'est là où, à un moment donné, vous avez deux coûts dans le transport. Vous avez l'acheminement, qu'il soit d'un pays à un autre, intercontinental, d'une région à une autre. Vous allez avoir la vitesse de ce transport. Hein, je fais d'express. L'express, c'est plus cher que si je fais du postal, pour schématiser. Mais le retour est une composante importante. L'éventualité d'un renvoi d'une commande est calculée dans le prix de l'article et réexpédier un colis depuis Saint-Denis de la Réunion n'a clairement pas le même coût que depuis une ville de l'Hexagone. Le prix de l'envoi est aussi fonction de la concurrence entre sociétés de transport et du volume de colis envoyés par les sites de vente en ligne. Une équation difficile à solutionner. Ingrid Maisonneuve-Chêne est la fondatrice de Shopil, une entreprise de réexpédition de colis vers l'outre-mer. On a des solutions en fret aérien, en fret maritime, avec des expressistes, mais ces solutions on peut les avoir que si on fait du volume. Donc c'est l'histoire du chien qui se mord la queue. Et comme nous, ça fait déjà depuis 2012 qu'on s'est lancé, on a réussi à maintenir les tarifs avec, par exemple, des DHL et des choses comme ça. Et avec la Poste, du coup, on les met en concurrence et ils sont obligés de faire attention aux tarifs qu'ils nous proposent. La solution pour le consommateur ultramarin serait d'acheter plus près de chez lui. Mais ce n'est pas évident. Commander directement sur un site américain, par exemple, est impossible. Et les Antillais qui optent pour cette solution doivent passer par un intermédiaire local qui réceptionne le colis aux États-Unis avant de le réenvoyer en Outre-mer. Après, tout est question de marché. Et rien n'empêche un commerçant qui souhaite développer ses ventes dans une région du monde d'installer une base avancée en Outre-mer. Thierry Klopp de la société de transport DHL. Demain, vous pouvez avoir un importateur de produits de la Dordogne avec des foie gras, des machins, etc., tout en magasiné à la Martinique pour pouvoir rayonner sur l'ensemble des Caraïbes ou sur Tahiti, sur l'ensemble. Voilà, peu importe. Je pense qu'après, on est vraiment dans des calculs en fonction de son territoire géographique, de l'offre et de la demande. Malgré tout, de plus en plus de sites de vente en ligne proposent de livrer outre-mer, mais pas encore tous leurs articles. 6h28 dans toute la Réunion. Bon réveil à tous, bon début de journée. On va filer sur les routes parce que forcément il y a du trafic ce matin. Eh hein. Oui. Prenez la route en toute sécurité avec Total et InfoRoute. Énergisons la vie. Chaque jour, Total. Vous êtes à Ravina Marquet, Yves. Oui, à la possession, ça roule pas mal au centre-ville. Ça roule correctement également toujours sur la corniche et à l'entrée de Saint-Denis, aux entrées de Saint-Denis, donc côté ouest, côté est. Bourg-Minsan compris et le boulevard sud sans difficulté. Par contre, les bouchons les plus importants démarrent depuis la Cocoteraie avec vitesse moyenne à peu près à 30 km/h, puis ensuite ça passe à 20 tout juste avant de passer cette zone où il y a cet accident de l'autre côté, puisque en fait l'accident c'est en direction de l'est, donc je le rappelle, perte de contrôle avec voiture détruite, donc comme il y a encore les secours sur place, et bien la curiosité fait que le bouchon s'arrête donc à ce niveau, donc à hauteur du Grand Allier avant la Rabine des Chèvres. Et là, donc une fois passé cette zone d'accident, vous roulez correctement pour aborder Saint-Denis. Ils vont pris sur la voie de contournement de Sainte-Marie. Donc prudence, patience, bien entendu, surtout ce secteur est avec en plus le marché. Donc quelques difficultés depuis le bocage pour rejoindre, enfin depuis le pont de la rivière Sainte-Suzanne pour rejoindre le bocage actuellement. Voilà, côté ouest, le seul bouchon, c'est toujours le même. Il est toujours au même endroit, à hauteur de l'échangeur de Plateau-Caillou pour redescendre vers Belmen et jusqu'à Savannah. Après, la circulation se fait plutôt correctement. On parlera de travaux délagage, ça se passera au cimetière marin aujourd'hui. InfoRoute vous a été proposé par Total. Énergisons la vie. Chaque jour, Total. Il est 6h30 sur la première. Le journal est présenté par Cécile Thomas. Bonjour Cécile. Bonjour à tous. Pas de déblocage des usines sucrières tant que les aides ne sont pas versées. Les planteurs ont durci le ton hier après une rencontre à la DAF. Nous serons en direct dans un instant avec Jean-Yves Minacci, le président du syndicat agricole, la CGPER, pour faire le point sur ce conflit. Vider les quartiers des armes pas toujours légalement détenues, et cela pour plus de sécurité. C'est l'opération menée en ce moment. Nous ferons le point avec Nadine Bachelot. Un parking pour laisser les voitures en stationnement longue durée à l'aéroport. Il ouvre ses portes ce matin. Il y a 200 places. Présentation avec Bruce Régent. Et puis nous parlerons de volley avec la reprise du championnat ce week-end. Rendez-vous à la fin de ce journal. Les usines sucrières bloquées par les planteurs depuis hier à l'appel de la CGPER. Des planteurs ont décidé d'empêcher l'accès aux usines de Bois Rouge et du Gol. Ils demandent le paiement d'aide. Ces paiements sont en retard. Hier matin, une délégation s'est rendue à la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt pour avoir des explications. Mais la rencontre n'a pas satisfait le syndicat agricole. Les planteurs ont décidé de durcir le mouvement. Ils bloquent les usines. Nous sommes en direct avec Jean-Yves Minacci, le président de la CGPER. Bonjour monsieur Minacci. Bonjour. Vous êtes au Gol. Durcir le mouvement, c'est paralyser les usines jusqu'à ce que vous obteniez gain de cause? Effectivement, si on fait ça, c'est pas éviter des cœurs, parce que ça fait un bout de temps que ça traîne, depuis en 2015. Il y a pas mal d'aides qui n'ont pas été payées. C'est ce que nous demandons, que l'ICHSN, l'AMAE, ainsi que l'aide à la représentation, surtout le versement de l'aide à la production, et ces quatre demandes, il faut qu'elles soient versées avant le 15 octobre, parce que nous avons besoin de notre argent pour faire l'entretien et pour préparer la prochaine campagne. Oui, monsieur Minacci, à quoi servent ces aides pour vous, les aides que vous attendez? Qu'est-ce qu'elles financent habituellement? Mais ces aides-là, c'est pour préparer la prochaine campagne, parce qu'on ne prépare toujours la prochaine campagne pendant la campagne en cours. C'est pas comme il y a 25 ans, 30 ans, on attend que la campagne soit terminée pour commencer à préparer la prochaine campagne. La prochaine campagne, on ne prépare toujours pendant la campagne en cours. Et ces aides-ci, c'est pour payer toutes les charges qu'on doit, avec la caisse, la GSS, avec les impôts ou autre. Et avec qui vous souhaitez dialoguer aujourd'hui pour dénouer la situation? Parce que pour l'instant, c'est bloqué. Aujourd'hui, la base se trouve dans le camp de l'administration centrale et locale. On est passé pour 10h30 avec Dave de Saint-Pierre, commissaire Dave de Saint-Pierre qui gère toutes ces aides que j'ai bien citées. Et on nous a dit, il faut attendre. Attendre jusqu'à quand? On ne peut plus attendre. C'est vrai, ce blocage, peut-être, ça va pénaliser certains planteurs, mais lorsqu'on voit le nombre de planteurs qui sont déplacés, en plein temps particulier, on est de plus d'une centaine, comme vous l'avez annoncé hier sur vos zones, plus d'une centaine hier. Et ce matin, ils sont partis pour bloquer Bois Rouge. On a commencé à bloquer Bois Rouge hier soir à 20h. Et ce matin, on est parti pour un tour. Donc, est-ce qu'il y a une réunion prévue? Vous dites que c'est dans le camp de l'administration. Est-ce qu'il y a une réunion prévue aujourd'hui, dans la matinée? Je pense que si l'État souhaite de nous rencontrer, il n'y a pas de souci. Nous serons sur à la Dame de Saint-Pierre, comme je vous ai dit. C'est la Dame de Saint-Pierre qui gère toutes ses aides. Ben nous, il n'y a pas de souci. On est ouvert au dialogue, à la discussion. Ce n'est pas un problème. Ben nous sommes là, à la disposition. Mais il faut aussi qu'on arrête maintenant avec toute cette bureaucratie européenne, surtout locale. On ne peut plus travailler dans de telles conditions pour gérer seulement la paperasse. Et monsieur Minacci, un dernier mot, des planteurs qui ne sont pas au champ, qui ne travaillent pas pendant la campagne, ça ne va pas mettre en péril leur activité? Je pense que non, parce qu'on n'a plus de sous. Ils ont plus de sous, comme nous-mêmes. Même ceux qui ne viennent pas, ils sont solidaires. Encore une fois, hier, on est en pleine campagne, le nombre de paysans qui se sont déplacés, ben, c'était quand même très, très nombreux. Merci beaucoup, Jean-Yves Minacci, d'avoir été en direct avec nous ce matin sur Réunion Première. Trop de violences dues aux armes. La préfecture vous donne l'occasion de vous débarrasser des armes à feu qui se trouvent chez vous avec son opération Déposer les armes. Une opération qui entre dans le cadre du plan de sécurité outre-mer présenté en juin dernier par le ministre de l'Intérieur. Éliminer les armes, c'est lutter contre la violence dans les familles ou les quartiers. C'est aussi une manière de lutter contre le terrorisme. Nadine Bachelot. Ne soyez plus hors la loi. Vous disposez de 3 mois pour déposer vos armes au service de police ou de gendarmerie, sans aucun risque de sanctions judiciaires ou administratives. Cette opération lancée par l'État est l'occasion de se mettre en conformité avec la réglementation sur les armes. Il faut savoir que 13 armureries sont autorisées ici et qu'il y a un peu plus de 12 000 armes qui sont déclarées. Mais il y en a certainement beaucoup plus qui circulent sous le manteau. C'est un phénomène que les forces de l'ordre ne maîtrisent pas. D'où l'importance de cette campagne, car il faut à tout prix éviter que ces armes dangereuses continuent à être en libre circulation. Une idée de la délinquance liée aux armes à La Réunion. En 2015, gendarmes et police ont enregistré 33 vols à main armée contre 19 en 2014. Mais on peut noter, en revanche, que le nombre d'interventions des forces de l'ordre pour des coups de feu a nettement diminué avec 34 interventions en 2015 contre 132 en 2014. Enfin, les infractions de port ou de détention d'armes prohibées ont été constatées près de 450 fois en 2015 contre 346 constats en 2014. Toutes les armes sont concernées par cette campagne, même les armes blanches, ainsi que les munitions. Nadine Bachelot. Une nouvelle voie pour les bus, inaugurée hier, une voie qui part et arrive au nouveau quartier de Sainte-Marie. Beau séjour, quartier en plein essor. Vous le savez, c'est là que la caisse d'allocation familiale s'est installée après avoir quitté Saint-Denis. En tout, 3 km de route ont été construits à travers champs. Ils feront gagner du temps aux usagers des lignes 33 et 34 du réseau Citalis. Et pour cause, ils contournent le quartier parfois très engorgé de Duparc. Hier, Gérald Maillot, le président de la Cinor, se félicitait de cette réalisation. C'était un gros projet de la collectivité. Et de gros projets, il y en a d'autres, et notamment ceux de téléphérique à Bois de Nèfle et à la montagne, Gérald Maillot. À la Cinor, nous avons donc d'autres projets de ce genre. Le TCSP entre le Mail du Chaudron et Sainte-Suzanne, qui avance aussi à grands pas. C'est en liaison avec ce que nous livrons aujourd'hui. Nous avons aussi le projet de déplacement par câble. Et nous commençons à réfléchir sur une liaison par câble entre l'hôtel de région et Sainte-Suzanne. C'est le temps de la réflexion là ou c'est déjà engrangé? Pour le câble qui va partir du Mail du Chaudron en passant par l'hôtel de région pour aller vers la mairie annexe du Bois-de-Nèfle. Le cahier des charges pour le choix des entreprises qui vont réaliser est en cours. Ensuite, nous avons celui de la montagne qui avance aussi à grands pas. Gérald Maillot, le président de la Cinor, au micro de Johan Adamadoras. 6h38 sur la première. La suite du journal, Cécile Thomas. Avec cet autre aménagement qui va simplifier la vie des usagers de l'aéroport, vous avez peut-être dû trouver des solutions pour garer votre voiture avant de prendre l'avion pour un long séjour. Le parking actuel est plutôt cher, 35 euros pour 12 heures. L'aéroport propose désormais un nouveau stationnement pour les longues périodes, un prix plus compétitif. Il compte 200 places, réservables et prépayables à l'avance. Sur Internet, les 4 premiers jours de stationnement seront indivisibles. Ça coûte 40 euros. Au-delà, c'est 10 euros par jour. Présentation avec Bruce Régent. Les gens qui viennent avec leur famille, leurs voisins, ça va toujours un peu exister puisque ça fait partie un petit peu de l'ADN des Rayonnais. Il le sait bien, Jean-Paul Noël, à 10 euros la journée de stationnement. Ce parking reste plus cher que le jardin de vos copains dionysiens, mais on n'a pas toujours envie de les faire lever avant l'aube. Je crois qu'il y a une vraie demande des gens qui voyagent quelque temps d'avoir une prestation sans forcément compter sur quelqu'un. Donc aujourd'hui, on offre ce service pour répondre à ce besoin. Et le président du directoire de l'aéroport fait aussi remarquer qu'il n'y aura pas à marcher des kilomètres. Il y a même un itinéraire balisé. Ça va jusqu'à l'aérogare. Vous avez la sortie là-bas dans les deux poteaux. Là. Ensuite, on a le passage protégé. On a mesuré, c'est autour de 200 mètres. Yannick Roy, le directeur du développement extra-aéronautique, pense qu'à ce tarif, de nombreux voyageurs de l'Ouest, du Sud ou de l'Est seront séduits, mais ça ne videra pas non plus le parking accompagnateur. Le parking principal donc, reste plus proche, donc plus intéressant si on passe simplement quelques heures à l'aéroport. Par contre, si on part pour un peu plus longtemps, l'idée c'est de venir dans le parking longue durée, même si on a quelques pas de plus à faire. Avec peut-être en bonus une plus grande sécurité. Ce parking-là, donc, non seulement il est clôturé, mais aussi les surveiller par caméra, 24 heures sur 24, 7 jours par semaine. Il y a des agents de sécurité qui vont se faire des rondes. Sincèrement, l'idée, c'était pas de surfer sur les problèmes qu'il peut y avoir ailleurs, c'était vraiment d'offrir un service de plus aux passagers. Et pour les packages billets d'avion plus parking, il ne faudra peut-être plus beaucoup patienter. Ça pourrait être très bien développé. Je pense que ça se fait ailleurs par des tours opérateurs qui vont même des locations de voitures, chambres d'hôtel, etc. Nous, on sera ouverts à ce genre de propositions-là. Un reportage de Bruce Régent. Et pour réserver votre place, vous pouvez aller sur le site internet de l'aéroport. Mais l'accès peut aussi se faire directement s'il y a encore des places disponibles. Après les handballeurs et les basketteurs, c'est au tour des volleyeurs de retrouver les parquets. La première journée de championnat sera disputée sous la forme d'un tournoi. Ce sera le week-end prochain à Champfleury. Chez les hommes, les tamponnets champions en titre font figure de favoris. Comment le tampon GECO Volley aborde-t-il cette saison? La réponse avec Maxime Germer du tampon GECO Volley. On a recruté Victor Castori de Saint-Leu. On a récupéré Ludovic Payette au centre, un ancien de Petite-Île. Et on a fait monter des jeunes surtout. Au niveau de la préparation physique, c'est bon? On a fait un petit peu les papilles, là, on ne s'est pas extrêmement bien entraîné, mais tu sais, le championnat réunionnais, c'est surtout en fin de saison qu'il faut être bien. On ne sait pas encore s'il y aura CCOI, il n'y aura pas de CCOI pour les clubs champions et vice-champions. Si jamais il y avait, ce serait le premier gros objectif et c'est fin novembre. Donc là, effectivement, il faudrait accélérer un peu la préparation. Mais si jamais il n'y a pas, les gros objectifs, c'est les play-offs. Bien sûr, il faut réussir le championnat et être dans les quatre, mais ça devrait être abordable. Et puis la métropole, le championnat de France N2. Maxime Germer qui répondait à Olivier Delarichaudy, donc début du championnat de volley ce week-end. Eh bien, c'est noté, les unes de la presse à 6h50 avec Cécile. 6h41 sur la première. La météo vous est présentée par Miedao, ménage, repassage, jardinage à domicile sur www.miedao.fr. Et le soleil, comme Cécile Thomas, est pas vaillant. C'est ce matin, ça. Hein. C'est dur de marcher ce matin, sport, Cécile. C'est bien, Cécile. C'est bien. Vas-y, c'est bien. Cécile. Objectif 2 octobre, hein, pour aller courir avec tous les Dionysiens. Parce que là, ça fait un relais, nous, là. On en reparlera. On en reparlera. On n'est pas encore inscrit. Bon, le soleil pas vaillant du tout, effectivement, non. Dans l'est, à l'est d'une ligne Sainte-Clotilde-Saint-Joseph. Alors, en passant par Sainte-Rose, là, c'est assez nuageux. Salazie, plaine des palmistes, volcans, jusqu'aux hauteurs de Grand Coude, les hauts du nord aussi, les hauts de Saint-Denis. Eh bien, c'est vraiment pas fameux ce matin. Vous réveillez sous les nuages et parfois sous les averses. De l'autre côté, c'est un peu plus dégagé vers Saint-Gilles, La Possession, Saint-Pierre ou encore les hauteurs de Saint-Leu. Là, c'est beaucoup mieux. Et cet après-midi, eh bien, on va garder à peu près le même type de temps avec en plus quand même quelques nuages qui vont s'accrocher au haut de Saint-Paul dans l'est. Pas glorieux, même si on pourra retrouver par moments des éclaircies à la faveur du vent qui va encore souffler sur Saint-Pierre et Saint-Denis. Comptez 60 km/h ce matin. Il a fait frais encore, 3 degrés au volcan, 18 à Saint-Gilles. Cet après-midi, on ira quand même jusqu'à 26 degrés sur le littoral, mais on est toujours en dessous des normales de saison, toujours en hiver. La météo vous est présentée par Miedao, ménage, repassage, jardinage à domicile sur www.miedao.fr. Et direction l'échangeur de Sainte-Thérèse, c'est à vous Yves. Oui, ici ça roule. Au niveau des bretelles, c'est pas encore encombré en sortie de Saint-Laurent, donc en bas de Sainte-Thérèse, ou en arrivant de la ZAC 2000, ou et puis également sur les bretelles de 4 voies, forcément, donc circulation encore fluide en provenance du sud de Saint-Paul ou du nord, ce qui sera pas le cas tout à l'heure, un peu plus tard dans la matinée. Le soleil fait un petit peu déjà quelques effets, notamment sur la circulation à l'entrée ouest de Saint-Denis. Au niveau des potences, il y a un léger ralentissement, c'est pas encore complètement saturé, puisque ça roule encore un petit peu pour passer le tunnel du Cap Bernard, mais donc il y a cette zone avec visibilité un peu réduite, toujours un peu de monde sur la fin du Lancastel. Ça roule toujours après la Ravine des Chèvres pour arriver jusqu'à Saint-Denis, mais ça coince très très sérieusement avant. Le camion de remorquage est arrivé il y a quelques instants, donc à hauteur de l'accident du Grand Asier. La voie de droite a été neutralisée pour pouvoir enlever et dégager le véhicule accidenté. Ce matin, c'était il y a une heure maintenant que s'est produit cet accident. Donc attention, prudence, vous qui circulez dans ce secteur en direction de l'est. Bon, il y a un très très léger ralentissement, mais ça roule au niveau de la Ravine des Chèvres. Voilà pour les principales difficultés actuellement. C'est toujours au niveau de l'échangeur de Plateau Caillou, ici côté ouest, pour vous qui arrivez de la route des Tamarins et rejoindre Saint-Paul. Grand Matin avec Isabelle Waron et Mickaël Laurette. Et dans Grand Matin, comme tous les matins, vous faites comme Faizy. Vous postez votre petite photo de petit déjeuner. Eh oui, parce que ça peut vous rapporter gros sur la première des invitations pour aller au cinéma, mais surtout votre participation pour le grand tirage au sort de vendredi à la clé, votre croisière. Privilégié, oui. Privilégié. Vous n'êtes pas nombreux sur le bateau, c'est au large de Saint-Gilles. C'est ça, si pour bien apprécier. Si vous avez le mal de mer, personne ne vous verra. Non, vous avez un petit, ça un petit souci. Pas. Vous êtes entre vous là. Et la personne de votre choix, on se cache rien. Croisière pour deux personnes pendant une après-midi ou une matinée au large sur de Saint-Gilles. Catapation. C'est peut-être pour vous avec croisière et découverte à condition de poster votre photo de petit déjeuner. C'est avant ça. 7h, eh bien ambiance zen. Ah ouais. Dans Grand Matin, on ira s'imprégner de la philosophie bouddhiste avec un moine. Ah, écoutez bien, un moine bouddhiste qui est réunionnais avant tout et qui a décidé de s'orienter vers cette philosophie bouddhiste. Voilà. On vous en parlera parce qu'il y a un grand événement qui a lieu à Saint-Benoît en ce moment et vous pourrez peut-être aller y faire un tour, tout simplement. Ne vous inquiétez pas, on vous explique tout avant 7h. Les moines tibétains sont à La Réunion. Oui, ôté. Tout ça avant 7h. D'ici là, c'est Letchi qui est de retour. Bah oui, oh, tuntonloto.com. On pourrait résumer ça comme ça ce matin. Le tuning, c'est l'art de personnaliser sa voiture, le deuxième sport local après le moukatage et le ladilafé. Ça peut être une voiture avec une couleur inhabituelle, genre fuchsia, orange ou jaune poussin. Les gars, pouvez remarquer qu'Azote la décide de rouler d'un poussin géant quand même. Le comble, c'est qu'un loto jaune, il coûte plus cher qu'un loto blanc. C'est dire à quel point le mangat est motivé. Zot y dira à moins, chacun ses goûts, chacun ses goûts. Mais m'y vanterai pas moins de rouler d'un loto couleur de la poste. Il y a aussi les vitres teintées qui sont très répandues comme tuning et qu'on a voulu interdire. Là-dessus, je ne suis pas favorable par rapport à cette loi. Pour moi, les vitres teintées sont nécessaires pour certains. Vu votre figure, il devrait même avoir une préconisation de votre médecin pour installer ça sur votre loto et cacher votre tête. Mais sans aller dans le gros tuning avec baffle à musique, jantes chromées et phare bleu, il y a du tuning de base dont tous les réunionnais sont friands. C'est l'autocollant. Colle pas derrière, arrête plaire dessus. Là, si vous êtes dans l'embouteillage, il est sûr qu'il y en a 2-3 à côté d'autres. Le banc d'image avec un tarantine avec gros tété dessus, 974, un doigt d'honneur, le bon goût sur toutes les voitures. Colle pas derrière, travaille pour gagner. Le gars est fier d'y avoir que l'il en a un crédit sur son tête. On remarquera qu'on voit ça surtout sur une loto de taille standard. N'aura jamais un autocollant arrête pleure dessus sur une grosse berline allemande. Forcément, puisque quand on voit le loto, elle a pas besoin d'y avoir rien ou pleure déjà dessus. Zot, imagine si à chaque fois nous l'avait un affaire, nous t'émettons un autocollant comme un. Mon micro-ondes, travaille pour gagner. Mon frigidaire, occupe-toi de qui. Mon tantine, arrête pleure dessus. L'avait un mode, un temps, c'était de mettre ou de non sur la vide comme bande conducteur rallye avec un drapeau français et le groupe sanguin. Pourquoi t'es rajoute pas autre caution intellectuelle aussi, tant qu'à faire. Nena jeune Jean Craner, t'es mettre aussi le nom d'autres copines sur côté. Du coup, quand le tantine, t'es largue à Zot pour un gars avec un plus gros loto, ça t'es obligé arrache l'autocollant. Profite, gars, mette aussi autre numéro de téléphone dessus, des fois que les plus efficaces que ben tes annonces pour paraître célibataire. Hashtag tantinarou. Après, mi-critique, mais certaines personnes, ils décorent votre loto pour autre chose. Chiffon rouge, petite photo, chapelet. À La Réunion, il faut distinguer tuning et protection. Là-dessus, m'avait quand même une question. Avec ce même protection pour l'auto, est-ce que ça t'y paye l'assurance moins cher? Parce que si des comas, monsieur l'assureur, dès demain matin, m'y customise mon loto avec un tralé chapelet et bondu et ruban rouge. Hein. Parce que ça, au moins, ça aurait été un tuning t'es savane à faire. Hashtag blasphème. Bien vu, Lecce. Retour du Lecce à 16h50 dans le bon tempo avec David que vous suivez tous les après-midi. Et d'ici là, c'est Claudio Capéo. Alors, vous le connaissez peut-être pas. Il s'est fait connaître chouette, du grand ça. Public oui. En participant à la 5e saison de The Voice. Et ça vaut le détour. À tout de suite. Du 16 au 25 septembre prochain, Sillaos devient cirque d'inspiration et de création. Exposition, contes, stages artistiques, réalisation d'une BD géante, ateliers, comédie musicale et concerts seront au programme durant ces 10 jours. Suivez tout le programme de la 13e édition du Sillaos Art, organisée par Destination Sud Réunion, en collaboration avec l'Archipel des métiers d'art et la ville de Sillaos, sur Réunion Première, en direct du cirque de Sillaos, les samedis 17 et 24 septembre, ainsi que les mardis 20, mercredi 21 et vendredi 23 septembre. Les 23 et 24 septembre prochains, c'est la 7e édition du Festival Kaloubang au Parc des Expositions et des Congrès de Saint-Denis. Retrouvez en concert Morgan Heritage, Kalash, Kiltir, Esther Rada. Et venez découvrir le chanteur haïtien Bitova au bass. Toute la programmation et les infos pratiques sont sur kaloubang.re. Grand matin tout en musique avec Claudio Capéo, un homme debout, puis juste après l'une de la presse avec Cécile. Si je m'endors, me réveillerez-vous? Il fait si froid dehors, le ressentez-vous? Il fut un temps où j'étais comme vous, malgré toutes mes galères, je reste un homme debout. Priez pour que je m'en sorte, priez pour que mieux je me porte. Ne me jetez pas la faute, ne me fermez pas la porte. Oui, je vis de jour en jour, squat en squat, un troubadour. Si je chante, c'est pour qu'on me regarde, ne serait-ce qu'un petit bonjour. Je vous vois passer quand je suis assis, vous êtes debout pressé, j'apprécie. Un petit regard, un petit sourire, me prennent le temps, ne font que courir. Merci. Je m'endorme. Merci bien pour la pièce, en ce moment c'est dur, je confesse. Moi je vais m'en sortir, je l'atteste. Toujours avoir un toit, une adresse. Si de toi à moi c'est dur, je stresse. Le moral n'est pas toujours bon, le temps presse. Mais bon, comment faire, à part l'ivresse comme futur? Que tes promesses en veux-tu? Voilà ma vie, je me suis pris des coups dans la tronche. Sois sûr que si je tombe par terre, tout le monde passe, mais personne ne bronche. Franchement, à part les gosses qui me regardent étrangement, tout le monde trouve ça normal que je fasse la manche. M'en veuillez pas, mais parfois j'ai qu'une envie, abandonne. Si je m'endors, me réveillerez-vous? Il fait si froid dehors, le ressentez-vous? Il fut un temps où j'étais comme vous. Malgré toutes mes galères, je reste un homme de vous. Priez pour que je m'en sorte. Priez pour que mieux je me porte. Ne me jete pas la faute. Ne me ferme pas la porte. Si je m'endors, me réveillerez-vous? Allez, on lève les bras. Allez, levez les bras. Ça se voit pas. Oh là, là-bas, ça se voit pas. Si, on nous voit sur internet, là, réunionpourlapremière.fr. Oui, mais elle peut pas, Cécile, c'est vrai, j'ai oublié. Elle fait du sport. Oui. Faire du sport ou lever les bras, il faut choisir. Voilà. Exactement. Et elle a pas choisi, malheureusement. Claudio Capéo. Avec un homme debout. Les unes de la presse, si vous voulez bien, tout le monde, là. On va commencer par la une du quotidien ce matin avec des nouveautés chez Air Austral. Oui, Air Austral refait ses avions à neuf, écrit le journal. Des vols plus confortables, promet la compagnie régionale, avec des couchettes familiales, le wifi à bord. Autant d'arguments qui pourraient permettre à la compagnie de prendre une longueur d'avance sur ses concurrents, commente le quotidien. En une également, une première sur l'île, la chasse aux armes avec l'opération Déposer les armes. Disparition de Julita, la vie douloureuse de son amie. À Saint-André, Mansiole, la carrière qui inquiète. La Salette, 5000 fidèles sous le signe de la réconciliation. Et puis en sport, nouvelle élection à la Ligue réunionnaise de football. Vidotte et Dupuis, candidat. Le grand nettoyage, titre le journal de Lille ce matin. La préfecture vous laisse trois mois pour rendre fusils et revolvers détenus sans autorisation, sans risque de sanction. Autre titre, enquête sur les contrats aidés. La plaignante, victime de violence. Et puis Air Austral, le wifi et des couchettes dans les avions. Et dans la presse nationale, aujourd'hui en France, s'intéresse ce mardi aux fausses alertes. Et comment elles sèment la panique. Un adolescent a été interpellé hier dans la Marne. C'est lui qui aurait déclenché l'alerte au sujet d'une prétendue prise d'otage à Paris. L'État français va se porter partie civile pour obtenir réparation. Autre titre, aux États-Unis, le poseur de bombes à New York a été interpellé. Et puis primaire à droite, le casse-tête des débats, écrit aujourd'hui en France. Des photos, des visages, en une du journal Le Monde. Mémorial de Nice, François Hollande a rendu hommage aux victimes des attentats hier dans la cour des Invalides. Le Monde publie chaque semaine des portraits de ceux qui ont été tués à Nice le 14 juillet. Autre titre, départ en série dans les ministères et à l'Élysée sur les 100 derniers jours. 57 membres de cabinet ministériel et de l'Élysée ont quitté leur poste, soit un peu plus de 10% des effectifs. À la veille d'une possible alternance politique, cette hémorragie témoigne des doutes et du malaise qui taraude l'exécutif. Les sélections à l'université, en une du Figaro. Le débat revient en force, écrit le Figaro. Si la ministre de l'Éducation nationale refuse l'idée de sélection, les universités sont obligées de la pratiquer, souvent par des moyens détournés pour faire face à l'afflux d'étudiants. Et puis une célèbre pipe en une du Figaro également. Ceci n'est pas une pipe, peut-on lire en dessous. Plusieurs de vos journaux en parlent ce matin. Magritte au centre Pompidou. Ceci est bien une exposition, s'amuse le Figaro en présentant une centaine de tableaux de l'artiste belge, dont de nombreux chefs-d'œuvre. Le musée parisien d'art moderne veut rendre son épaisseur philosophique, un peintre souvent cantonné à sa légende surréaliste. Le nom d'une pipe. La présidentielle en France en une de Libération. Mettons les candidats au travail, écrit Libé. Libération se joint au lancement d'une enquête d'envergure sur le rapport des Français au travail afin de replacer ce thème au centre de la campagne de 2017. Autre titre, attaque aux États-Unis, un suspect arrêté. Et puis comment Ennio Morricone nous a foutu dehors. Bon. Rencontre glaciale dans une Rome caniculaire avec le compositeur aux 500 films qui s'est célèbre en concert parisien ses 60 ans de carrière et reçoit un génie acariâtre. Pas facile le maestro. Oui, mais alors Cécile, un footballeur en campagne, en une de l'équipe. Mais oui, on dirait. Le journal titre Voté Griezmann pour le quotidien sportif. Le jeune joueur des Bleus et de Madrid marche dans les pas de Zidane. Oui, Antoine Griezmann, un des joueurs phares de l'Euro. Je me souviens bien, oui. Oui. Il a des petites fans déjà. Se caresse les cheveux quand elle parle d'Antoine Griezmann. On a tout compris. Merci Cécile, retour de l'information à 7h. Oui. Grand matin, l'appel réveil. Ça va vous détendre un peu, vous en avez besoin. Là, vous oui, en là. Avez vraiment besoin, les zen. Restons zen. Une association qui s'appelle Dissemblable, qui a été créée il y a 2 ans à Saint-Benoît, aide les enfants, les adultes et les parents d'enfants à mieux supporter ces troubles que vous ne connaissez pas forcément, dyspraxie, dyscalculie, dyslexie, dyspasie. Par exemple, on peut confondre une pomme de terre et un concombre, on peut confondre un L avec un M. Ce sont des dysfonctionnements neuronaux et cette association donc aide tous ces gens à s'adapter à ces troubles qui forcément perturbent l'estime de soi, perturbent la vie. Alors pour ouvrir l'esprit, évoluer dans un peu plus de sérénité, remettre de l'ordre dans l'esprit, l'association accueille cette semaine, jusqu'à dimanche, les moines originaires du Tibet qui sont venus réaliser un mandala, un cercle de méditation, une œuvre d'art. Et pour nous en parler, eh bien on a un réunionnais qui est devenu moine bouddhiste, Sangpo. Bonjour. Salut Sangpo. Bonjour. Bonjour, vous allez bien? Bonjour à vous, ça va très bien. Alors votre nom Sangpo, c'est un nom de moine. Vous n'aviez pas ce nom avant. Oui, non, je m'appelais, je m'appelle toujours Fontaine François. Mais d'où vous est venu l'attrait pour le bouddhisme, la philosophie? Avant tout le désir de comprendre la vie, les choses, d'où on vient, qu'est-ce qu'on fait. On observe la loi de cause à effet. Et tout ça. C'est un besoin depuis que je suis enfant. J'avais vraiment besoin de savoir ce. Je trouvais qu'on était tellement on est si intelligent que juste voir une papaye devant nous, ça ne me faisait plus quoi. Je voulais comprendre la vie. C'est pour ça. Et quand je ne savais pas, mais quand j'ai rencontré Sa Sainteté le Dalai Lama en 82 à Paris, là il répondait à toutes mes questions et encore à des questions que je ne m'étais même pas posées. Il me dit mais c'est vrai, elles sont aussi importantes. Alors en quoi est-ce que la vie de François et la vie de Sangpo sont différentes aujourd'hui? En fait, elles ne sont pas différentes parce que j'étais moi-même artiste, quoi. Mais je vais consacrer ma vie dans le monde de l'art, autant la musique que les tableaux, et c'était pour offrir la beauté aux gens. C'était mon seul besoin, offrir le bonheur. Voilà. Et donc, vous avez rencontré le Dalai Lama, Sangpo, et vous avez rencontré ces moines qui sont à La Réunion en ce moment. Mais qu'est-ce qu'ils font, ces moines originaires du Tibet, à La Réunion? Parce que comment ils connaissent aussi l'île? Oui, parce que moi-même, donc ça fait une trentaine d'années que j'ai fait ce travail de monastique. Oui. Et là, le maître qui me guide m'a demandé si je voulais tenir un centre à l'île de La Réunion. J'ai vraiment accepté parce que c'était un souhait très cher pour moi de retrouver. J'appelle ça mon peuple, de retrouver mes amis réunionnais. Et ensuite, je lui ai demandé quelle serait l'activité majeure du centre. Et là, il m'a dit d'appeler ces moines, ces fameux moines, pour qu'on soit des mandalas de. Alors qu'est-ce qu'ils ont comme particularité ces moines et justement qu'est-ce qu'ils ont pu apporter à ces enfants qui sont atteints de dysfonctionnement neuronaux? C'est vrai, le mandala est en lui-même la demeure divine, la demeure céleste. C'est quelque chose de très particulier et ces moines sont des geishés, on pourrait appeler ça. Docteur en philosophie, c'est-à-dire ils ont la maîtrise des mandalas, maîtrise de la connaissance de l'enseignement du Bouddha. Et à ce moment-là, ils l'ont mis en pratique et ils ont été choisis pour venir dans l'île. Ouais. Les gens témoignent de leur grande bonté, ça génère une énergie bienfaisante. Voilà. Et ils font un mandala. Et vous pouvez expliquer rapidement, sans pause, que c'est un mandala rapidement, parce qu'on n'a malheureusement pas trop le temps. Bien sûr. Pardon. Le mandala, c'est la demeure, une demeure céleste. Mais ça ressemble à quoi graphiquement? C'est un carré dans lequel on met des représentations du divin. Et on peut le faire avec du sable. On peut le faire avec du sable et des couleurs. C'est ça. Oui. Sable et couleurs. Et là, on peut en voir un. Alors où ça actuellement? Alors il est à Brafzi, la maison des associations. Oui. Et mercredi. Jusqu'au 25, le 25, il y aura la dissolution à 14h. Jusqu'à dimanche et mercredi, vous pourrez aussi assister. Les marmailles peuvent s'inscrire un mercredi récréatif. Et les réservations se font au 06 93 03 13 06. 03 13 06 à partir de 14h pour rencontrer les moines et vous aussi créer votre propre tableau de sable. Merci Sangpo. Merci Sangpo. Merci. À très bientôt. Au revoir. Prenez la route en toute sécurité avec Total et InfoRoute. Énergisons la vie. Chaque jour, Total. Et Yves Bruyer, l'accident sur la 4 voies de Sainte-Suzanne est terminé. Oui, depuis quelques instants, avec quelques minutes. Donc il y a encore les bouchons de curiosité, donc toujours depuis Saint-André jusqu'à la Ravine des Chèvres. Après, c'est encore relativement roulant pour aborder Saint-Denis. Côté ouest, par contre, ça se complique à hauteur de la Grande Chaloupe en ce moment. Le soleil est pour beaucoup sur certains tronçons.

Vanessa Miranville, maire de la Possession, interrogée par Hubert Debeux. Ils se disent aujourd'hui pris à la gorge, les planteurs de la CGPER, une centaine au total, sont allés hier à la DAF, la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. Ils voulaient des explications sur le non-versement des aides promises par l'État, indemnités compensatoires, handicaps naturels et aides à la production notamment. Au final, pas vraiment de réponse. Les planteurs de canne ont donc décidé de bloquer les usines du Gol et de Bois-Rouge. Un blocage qui continue ce matin. Jean-Yves Minacci, le président de la CGPER, était en direct dans notre journal de 6h30. Si on fait ça, c'est pas éviter des cœurs, parce qu'il y a fait un bout de temps que ça traîne, depuis en 2015, il y a pas mal d'aides qui n'ont pas été payées. Il faut qu'elles soient versées avant le 15 octobre, parce que nous avons besoin de notre argent pour faire l'entretien, préparer la prochaine campagne, parce qu'on ne prépare toujours la prochaine campagne pendant la campagne en cours. Aujourd'hui, la base se trouve dans le camp de l'administration centrale et locale. On nous a dit, il faut attendre. Attendre jusqu'à quand? Je pense que si l'État souhaite de nous rencontrer, il n'y a pas de souci. Nous serons sur à la Dave Saint-Pierre. C'est la Dave Saint-Pierre qui gère toutes ses aides. On n'a plus de sous. Même ceux qui ne viennent pas, ils sont solidaires, encore une fois. Jean-Yves Minacci, président de la CGPER, interrogé ce matin par Cécile Thomas. 7h06 sur la première, la suite du journal Florent Marot. Elle avait tenté d'introduire 4000 comprimés de Rivotril à La Réunion. Une sexagénaire a été mise en examen hier et incarcérée. Elle avait scotché les sachets sur ses jambes. La mule est aujourd'hui à la prison de Domingo. Elle a été interrogée sans succès pour l'instant. Les enquêteurs veulent évidemment savoir qui était le commanditaire. Il y en a plus de 12 000 déclarés dans l'île, mais peut-être beaucoup plus dans les maisons, les greniers qui ne sont pas en règle. Les armes sont dans le collimateur de la préfecture. Elle vient de lancer l'opération « Déposez vos armes », une première à La Réunion. Ceux qui en possèdent une ont jusqu'au 15 décembre pour la remettre aux forces de l'ordre. Mais concrètement, comment ça se passe? Comment doit-on s'y prendre si l'on souhaite se débarrasser d'une arme? La réponse de Jean-François Lebon, directeur départemental de la Sécurité publique. Ça peut se passer de deux façons, mais les deux seront bonnes. C'est-à-dire où la personne nous prévient au préalable et prend rendez-vous et elle sera priorisée, ça sera mieux, ça évitera qu'elle attende à l'accueil et ça participera d'un accueil amélioré. Maintenant, si cette personne spontanément venait vers nous, eh bien elle sera également accueillie et orientée promptement vers le service compétent. Vous allez lui faire remplir une fiche quand même. Une petite fiche pour qu'officiellement on sache qu'elle a bien déposé, qui l'a fait, quel type d'arme. Mais il ne s'agit pas bien entendu de suivre plus amplement la personne de ce fait. Ces armes, que vont-elles devenir quand elles seront chez vous? Une fois qu'elles seront regroupées, elles seront remises pour destruction avec l'autorisation du parquet. Jean-François Lebon, directeur départemental de la Sécurité publique, au micro Réunion Première de Nadine Bachelot. Et sachez qu'aucune poursuite ne sera engagée si vous décidez de rendre une arme qui ne serait pas en règle. L'invité de la matinale ce mardi s'appelle Guy Alba, président de l'association ELA International contre les leucodystrophies. Au menu, le point sur ces maladies d'origine génétique, les traitements ou encore le soutien aux familles. Rendez-vous après ce journal. L'élection à la Ligue réunionnaise de football, c'est dans 3 mois, le 18 décembre. Et après Yves Etève et Noël Vidotte, un troisième homme qu'on n'attendait peut-être pas se déclare candidat à la présidence. Son nom, Yves Dupuis, 66 ans. Le technicien s'est officiellement déclaré candidat hier. Ancien directeur du pôle espoir de la Plaine des Cafres, conseiller technique régional également. Il pense avoir un rôle aujourd'hui à jouer dans le foot pays. Notre football s'abîme légèrement, se désagrège légèrement, mais sûrement. Et je pars du principe que, ancien éducateur, je dois m'investir dans un nouveau rôle, quitter la tenue, je dirais, de survêtement de terrain et passer dans un autre domaine de façon à, si vous voulez, être force de proposition pour l'avenir du football réunionnais. Si je viens, c'est pour une mandature de 4 ans pour essayer de stabiliser, d'harmoniser et de sérénisé le football. Pour moi, c'est quelque chose qui, pour moi, est important. Et les élections arrivent à point nommé. C'est pour ça qu'en décembre, eh bien, ce qu'il faut, c'est qu'il y ait 2, 3, 4 listes qui se présentent de façon qu'on puisse, à ce moment, discuter de projets pour l'avenir du football réunionnais. Voilà. Et sur ces 4 ans-là, eh bien, je vais essayer d'avoir avec moi une équipe solide, avec un tiers de personnes d'expérience, un tiers de dames, parce que je pense que les dames ont un rôle important à jouer dans le football de La Réunion, et un tiers de jeunes qui vont m'accompagner pour que demain matin, ils puissent prendre le relais. Yves Dupuis, candidat à la présidence de la Ligue réunionnaise de football, interrogé par Johnny Lérivain et Francis Bourgoin. Et puis le salon Top Reza commence aujourd'hui à Paris, première sortie officielle pour le nouveau logo de l'IRT. Cette année, au premier semestre, La Réunion a accueilli 190 000 touristes contre 197 000 l'an dernier à la même époque. C'est la fin de ce journal local, place maintenant à l'actualité nationale et internationale avec nos confrères de France Info. Et ce matin, Anne-Charlotte Costabadi, on parle des suites des attentats aux États-Unis. Aux États-Unis, le principal suspect en lien avec les attentats à la bombe à New York et dans le New Jersey ce week-end, inculpé pour tentative de meurtre sur 5 policiers et possession d'armes. Ça fait suite à un échange de tirs lors de son interpellation à Linden hier dans le New Jersey après une chasse à l'homme. Ahmad Khan Rahami est un Américain d'origine afghane de 28 ans. C'est le seul suspect des explosions qui ont fait samedi soir 29 blessés à New York. Il n'avait blessé personne en marge d'une course à pied dans le New Jersey. Pas encore d'inculpation liée à ces attentats. Toujours pas revendiqué. À New York se tient en ce moment l'Assemblée générale annuelle de l'ONU. C'est l'ouverture aujourd'hui du débat général sur la crise des migrants et des réfugiés. Le président François Hollande va prendre la parole dans la journée devant cette Assemblée qui réunit les 193 pays membres. Le président François Hollande, déjà à New York, il a reçu la distinction d'homme d'État de l'année cette nuit, un prix remis par la fondation interconfessionnelle Appeal of Conscience pour son action en faveur de la liberté et de la démocratie dans un contexte d'attaque terroriste. Également sa contribution pour la paix et la stabilité mondiale. Il y a déclaré: avec ce prix, vous rendez hommage à la France, mais également un jour, il nous sera sûrement reproché de ne pas avoir davantage agi en Syrie face aux crises. Il faut agir. La Syrie, justement, où les bombardements ont repris intensivement hier dans le nord, à Alep et sa région, après l'annonce de la fin de la trêve par l'armée syrienne. Des frappes aériennes russes et du régime de Bachar al-Assad ont tué au moins 36 civils, selon un dernier bilan de l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Certains dans les quartiers rebelles d'Alep, 12 humanitaires et des chauffeurs de camions également tués. Un convoi d'aide humanitaire a été visé selon l'ONU. 18 camions endommagés sur 31. Ils acheminaient de l'aide à 78 000 personnes à Oroum al-Koubra. Un homme de 35 ans grièvement blessé après des coups de fusil de chasse hier soir à Marseille. C'était vers 20h dans une cité des quartiers nord. Son pronostic vital n'est pas engagé. Il était connu des services de police. Un adolescent de 16 ans interpellé dans la Marne est placé en garde à vue dans les locaux de la brigade criminelle à Paris. Hier, il est soupçonné d'être l'un des deux auteurs de la fausse alerte attentat ce samedi au centre de Paris. Un autre garçon de 17 ans est toujours recherché. Ces deux hackers avaient piraté le téléphone de l'église Saint-Lieu et appelé la police pour signaler une prise d'otage. En tout cas, ils s'en étaient vantés sur les réseaux sociaux et auprès de plusieurs médias, soi-disant pour faire le buzz. Une centaine de policiers avaient été mobilisés. Le ministère de l'Intérieur annonce qu'il va se porter partie civile pour obtenir réparation. Le football, début de la 6e journée de Ligue 1 ce mardi soir avec 2 matchs au programme. Lille reçoit Toulouse à 19h. À 21h, le PSG accueille Dijon. h 13 sur la première. Et dans le ciel, le bleu, Mickaël, tente de surpasser le gris. Oui, c'est pas facile, hein, quand même, entre Sainte-Marie et Saint-Philippe, en passant par le volcan et le cirque de Salazie. C'est vrai que c'est assez nuageux ce matin, avec quelques averses qui tombent, par exemple, sur le Baril, ou encore Saint-Benoît, ou qui sont tombées. En tout cas, c'est assez nuageux. L'autre côté, c'est dégagé, avec plus d'éclaircies vers Saint-Pierre, vers Saint-Gilles, vers la Possession. Les hauteurs de l'Ouest, c'est pas mal non plus pour ce début de matinée. Puis cet après-midi, ça va s'ennuager. Tout de même sur les hauteurs de Saint-Paul, un peu plus de gris. Ça aura tendance aussi à déborder sur la côte. Et puis globalement, à l'est, ça restera quand même assez incertain. Alors parfois, quelques éclaircies. Du vent qui va essayer de pousser les nuages, qui va souffler encore aujourd'hui 60 km/h sur Saint-Pierre et Saint-Denis. Température fraîche ce matin, je vous l'ai dit. Il fait 5 degrés actuellement en volcan, 8 à la plaine des Cafres. Il en fera quand même cet après-midi 16 à la plaine des Cafres et 26 sur Saint-Gilles. Yves Grouillet, vous êtes à Plateau Caillou. Oui, attention, ralentissement au niveau de Mont-Caprice à cette heure-ci, c'est assez étonnant. Est-ce qu'il se passe quelque chose? On va essayer d'en savoir un peu plus rapidement. Prudence, je vous ai pas parlé d'ailleurs de météo à l'instant, il pleuvait, hein, donc il a plu au moins sur la dernière demi-heure. Il s'est arrêté de pleuvoir, la route est trempée du côté de Saint-Benoît. Attention, prudence en bas de la route des Plaines en ce moment et sur la fin de la 4 voies avec toujours cette chaussée en partie rainurée, donc du côté de Brapanon notamment. Ralentissement toujours en sortie de Saint-André, donc Sainte-Suzanne en tout cas, puis la ligne droite de quartier français et jusqu'à Saint-Denis, hein, puisque maintenant ça y est, donc avec la retenue due à la curiosité de l'accident tout à l'heure, les gens étaient un peu bloqués là-bas, mais maintenant ils se sont lâchés et forcément ils arrivent avec les Saintes-Mariens qui, eux, n'ont pas attendu et se sont retrouvés sur la 4 voies. Donc, tout est encombré en provenance de l'Est jusqu'aux portes de Saint-Denis. Ravi d'un malheur, ça c'est pour la route du littoral. Donc, 2 kilomètres après le début de l'entrée de la corniche avec des ralentissements. Alors, moitié de pont Vinsan, ça va un petit peu mieux, tranchée mer pleine et côté montagne plutôt en fin de tube. Voilà, ici, sur Saint-Paul, les ralentissements sont toujours à hauteur de l'échangeur de Plateau Caillou avec une partie de chaussée royale, notamment en centre-ville, plutôt encombrée sur la zone de feu dans les rampes, comme je vous le disais. Donc, par rapport au carrefour poivre mis au clignotant, la circulation se fait à peu près correctement dans ces rampes. En tout cas, moins de difficultés depuis la mise en place de ce choix de feu tricolore. Voilà, très bonne route, prudence. On essaie de savoir ce qui se passe sur Mon Caprice, parce que c'est normal cet embouteillage à 7h. Merci. Va suivre l'invité de Grand Matin, Guy Alba, président de ELA International, association contre les leucodystrophies. À tout de suite. À pied, à vélo, sur l'eau, participez au week-end nature du 1er au 30 octobre. Découvrez des trésors de biodiversité dans nos espaces naturels sensibles, plongez dans les forêts primaires, explorez des sites exceptionnels et des paysages à vous couper le souffle. Visites guidées et ateliers gratuits tous les week-ends du mois d'octobre et pendant les vacances scolaires. Retrouvez le programme sur www.cg974.fr et réservez dès maintenant au 0262 97 59 59. Avec le département, préservons notre environnement. Rappelez-vous, Anouchka Pépin, gagnante de la saison 1 de Kid Créole sur Réunion Première. Aujourd'hui, découvrez Mon Étoile, son duo inédit avec Pixel. Une incroyable consécration pour la petite réunionnaise. Toi aussi, tu peux vivre ce rêve et enregistrer ton premier single produit par SS Kairon. Tu as entre 8 et 15 ans ? Inscris-toi sur le site kidcreole.re avant le 30 septembre et participe à la saison 2 de Kid Créole, le talent show Made in Réunion Première. Et il est 7h17 dans toute la Réunion. Vous nous suivez sur internet réunionpourlapremière.fr. C'est l'invité de Grand Matin avec Philippe Dornier. Bonjour Philippe. Bonjour Mickaël, bonjour à tous. Et vous recevez ce matin le président de ELA International, l'association contre les leucodystrophies, Guy Alba. Guy Alba, bonjour. Bonjour. Votre association est très connue maintenant grâce à son parrain Zinedine Zidane et puis aussi pour la dictée d'ELA pour la première fois. C'est à la Réunion que cette dictée est lancée cette année. Pourquoi ce choix ? Ah ben parce que c'est aussi une question de calendrier. Les petits réunionnais commencent plus tôt, rentrent en classe plus tôt et sont en congé aussi plus tôt. Donc voilà. Et nous avons pris quand même l'habitude de ce rendez-vous, disons à la mi-septembre. Et donc c'était l'occasion pour nous de lancer toutes les actions d'ELA, non seulement dans l'école, mais aussi les rassemblements des familles. On organise le week-end prochain un long week-end de répit pour toutes les familles de la Réunion concernées par une leucodystrophie. Et puis on rencontre aussi les partenaires entreprises puisqu'on a une action dans l'entreprise. On aura l'occasion d'y revenir. Qui planche sur cette dictée d'ELA ? Ce sont des écoliers ? Oui, mais alors tout niveau, je dirais. Hein. Ça peut être des petits de l'école élémentaire. Et puis du collège et du lycée. Alors c'est un texte unique. Évidemment, pour les plus petits, souvent les enseignants choisissent une partie du texte seulement. Et le reste est expliqué. Pour les grands, eh bien, ils rédigent une dictée classique avec quand même une petite différence, c'est que on est moins attentif. En tout cas, on demande aux enseignants, c'est un accord entre nous, de moins être, disons, attentif à l'orthographe exceptionnellement. Hein, et puis, par contre, de rentrer dans le sens du texte qui est écrit spécifiquement pour ELA. Hein. La dictée 2016 qui a été écrite par la romancière Catherine Pancol. Qu'est-ce qu'elle raconte dans ce texte ? Alors, je ne vais pas vous lire la dictée puisque c'est ce jeudi, donc matin, on sera à l'école de la Chaumière à Saint-Denis. Mais en gros, c'est le titre finalement dit bien le texte, c'est « Quand on veut, on peut ». D'accord, c'est quoi ? C'est un peu le slogan, j'allais dire... d'ELA, de ce rassemblement de famille. Et c'est finalement ce qui m'a porté, moi, de ces 25 dernières années, lorsque j'ai créé ELA. Je ne savais pas où j'allais, je ne savais pas dans quelle aventure je me lançais, mais je savais que je voulais absolument faire sortir les leucodystrophies de l'anonymat, et je savais que je voulais abattre des murs de silence, et je savais que je voulais contribuer à guérir cette maladie. Alors aujourd'hui, il n'y a plus de murs de silence, mais encore des tabous autour de ça, non ? Oui, oui, bien sûr. Enfin, les tabous sont liés, on va dire, à la maladie elle-même. Hein. Lorsqu'on est malade, c'est un peu comme, vous savez, quand vous avez un petit animal domestique, et quand il est malade, eh bien, il va se cacher, il va se mettre dans son coin, il veut pas qu'on l'ennuie, il veut pas qu'on le... Eh bien, c'est un peu pareil chez les humains. On a tendance à se recroqueviller. Alors, c'est encore plus vrai lorsqu'on est concerné par une maladie génétique, puisqu'il y a une sorte de... cette trace génétique, cette douleur génétique, là, qui traîne dans la famille, et dont on n'est pas forcément fier, ce qui est stupide d'ailleurs, parce que finalement, lorsqu'on est concerné par une maladie, quelle qu'elle soit, on n'est pas responsable. On la subit, donc il faut absolument en parler, il faut absolument se réunir, il faut absolument se rassembler. C'est tout l'avantage d'une association comme elle a. Alors, de quoi on parle ? On parle de maladies aux conséquences terribles, paralysie progressive de toutes les fonctions vitales et trop souvent décès, il faut bien le dire. Est-ce que la médecine vous laisse de l'espoir pour l'avenir ? Ah ben complètement. Vous savez, moi, lorsque j'ai découvert la maladie chez un de mes enfants, c'était en 1980, dans les années 90. On savait même pas prononcer le mot leucodystrophie. Voilà, ça arrachait tellement le mot est barbare, ça arrachait la gorge. C'était un nom qui rentrait dans le dictionnaire grâce aux efforts d'Ella. On a mené des recherches avec un peu partout dans le monde entier, grâce aux moyens fournis par la générosité publique. Hein, faut être clair. Et aujourd'hui, on par exemple, on sait mieux diagnostiquer, poser un diagnostic sur ces maladies, et les premiers traitements arrivent. Par exemple, on a en ce moment même un essai clinique sur des formes adultes de la maladie. Il y a d'ailleurs un ami réunionnais qui participe à ce protocole. Et cet essai clinique tente à améliorer les conditions de vie de la personne, notamment dans sa mobilité. Lorsque vous savez que la leucodystrophie paralyse petit à petit, empêche finalement le mouvement, le fait de bouger, de marcher, eh bien cet essai clinique vise justement à améliorer la mobilité, à améliorer l'état physique général, et ça c'est exceptionnel. Et il y a 20 ans, on ne pouvait pas imaginer un truc pareil. Aujourd'hui, c'est le cas. On sait que la Réunion est malheureusement plus touchée que la métropole proportionnellement, parce que ce sont des maladies d'origine génétique, comment on l'explique ? Alors, il y a effectivement une leucodystrophie spécifique à la Réunion, qui s'appelle le syndrome de Ravine, qui est en fait une forme grave hein, d'anorexie du nourrisson. Alors, vous imaginez que quand un nourrisson n'arrive pas à garder finalement le lait maternel ou le nez qui est proposé en biberon, forcément, ça a des conséquences très très graves, et avec évidemment des conséquences neurologique, d'où le mot leucodystrophie. Hein. Le mot leucodystrophie, souvent les gens pensent que c'est lié au globule blanc, leucocyte. Et non, c'est la substance blanche du cerveau et de la moelle épinière qui est atteinte. C'est le cas des petits réunionnais qui sont donc qui subissent ce syndrome de Ravine. Donc c'est une maladie spécifique à la Réunion, et donc plus effectivement de cas de syndrome que je vois pas ailleurs d'ailleurs. Et ce week-end, on aura énormément de familles qui sont concernées par ce problème. Et souvent, les gens se demandent si ce sont des maladies contagieuses. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire ? Non, bien sûr que non. Elles sont pas contagieuses du tout. Ces enfants-là sont adorables. Ils ont besoin de l'amour de leur entourage et d'un regard bienveillant de l'ensemble de la population. Non, il y a pas de souci avec ça. Au contraire. Quand une famille découvre que son enfant est atteint, et même parfois 16 enfants, elle a besoin de soutien. Qu'est-ce que votre association peut apporter justement aux parents ? Déjà, au travers des rassemblements comme celui qu'on organise, c'est extrêmement important parce que là, le regard des autres pèse moins. On peut échanger librement, on peut s'échanger aussi des petits trucs du quotidien. Et puis, l'association apporte concrètement des aides lorsqu'il faut bouger les murs d'une maison, refaire une salle de bain qui n'est pas du tout adaptée au handicap de l'enfant, adapter un véhicule pour le transport de l'enfant dans son fauteuil roulant. Tout ça, c'est des coûts extrêmement importants. Contrairement à ce qu'on peut imaginer, la sécurité sociale ne couvre pas l'ensemble et de loin de ces frais. Et l'association est là justement pour financer toute ou partie de ces frais. En fait, ce qu'on fait, nous, c'est qu'on a un service social qui réunit les moyens nécessaires, enfin qui sollicite les différents organismes qui sont là pour ça, et une fois qu'on a fait l'addition et qu'il reste un solde à payer, c'est l'association qui paye. Évidemment, il faut des moyens pour ça, c'est pour ça qu'on mobilise chaque année les écoles, les entreprises, les donateurs, les mécènes, parce qu'il nous faut des moyens pour assurer ça. Mais c'est essentiel pour les familles. Et tout à l'heure, vous avez parlé de week-end de répit, ça veut dire que tout le reste de l'année, c'est une situation lourde, une ambiance pesante ? Bah, soyons clairs, lorsqu'on a une telle maladie au sein même d'une fratrie, et quand vous l'avez dit, dans certaines familles, c'est plusieurs enfants qui sont concernés. Hein, la maman que vous aviez reçue l'an dernier, qui est une maman courage exceptionnelle, c'est 4 sur 4. 4 enfants sur 4 qui sont atteints par cette maladie, 2 malheureusement qui sont déjà décédés. Forcément, on a besoin de soutien, on a besoin pas seulement de la bienveillance et de la compassion, on a besoin d'un soutien concret. Et l'association est là pour ça, justement. C'est la priorité dès là, de souder les familles, de les conforter. Après, nous, on a un autre espoir. Quand on veut, on peut guérir cette maladie. Et toutes les familles dès là nous demandent, à chaque fois qu'on en parle, de faire des efforts particuliers pour investir dans la recherche et trouver une solution pour ces maladies. Même lorsque les parents ne sont plus concernés, on va dire à titre personnel, parce que malheureusement ils ont perdu leur enfant, ils continuent à nous demander de se battre contre cette fichue maladie. Alors, on a parlé de la dictée des là. Il y a une autre opération solidaire, Mettez basket et bas la maladie. Là aussi, c'est pour encourager les jeunes à s'engager dans ce combat. Oui, alors en fait, c'est lié. Hein. La dictée des là, pour nous, c'est l'acte 1, on va dire, de la mobilisation, puisqu'il faut d'abord, avant de se mobiliser, avant de mouiller le maillot, on va dire, il faut être sensibilisé au problème. Le texte donc de Catherine Pancol, l'année dernière, c'était Amélie Nothomb, etc., parle de ça, parle de la différence, de la maladie, du regard qu'on peut avoir, et ensuite, une fois qu'on a bien compris finalement ces enfants-là sont comme les autres, ils ont envie de vivre aussi avec leurs difficultés, mais ils ont envie de vivre, comment on peut les aider, voilà. Et donc l'étape 2, c'est mets tes baskets, maintenant t'as pigé, t'as compris, maintenant je mets mes baskets, je vais mouiller mon maillot pour de manière symbolique déjà lorsqu'on est enfant, de prêter ses jambes à des enfants qui n'ont plus l'usage de leurs jambes, par exemple. Zinedine Zidane est le parrain international d'Ella, à La Réunion et dans tout l'océan Indien, c'est Jackson Richardson. Comment il s'investit dans cette mission? Jackson, il est dans son domaine. C'est un Zidane du handball. C'est un type formidable, qui est très chaleureux et qui est très présent à chaque fois qu'il en a l'occasion auprès des familles, souvent en métropole parce qu'il y vit, mais aussi à La Réunion parce qu'il fait des incursions. Alors, il n'est pas avec nous cette semaine, mais il vient à d'autres moments et à chaque fois qu'il a l'occasion, il soutient l'association est là, ici, dans l'océan Indien. Et vous associez d'autres personnalités réunionnaises cette semaine ? Alors oui, cette semaine, la lecture de la dictée à l'école Chaumière à Saint-Denis, c'est Jean-Laurent Faubourg, que les Réunionnais connaissent bien. Moi, je ne le connais pas. Vous connaissez Isabelle Waron ? Oui. Apparemment, c'est un personnage très triste, donc on va verser une larme. Mais je le rencontre jeudi matin, donc ouais. Pour suivre finalement sa dictée, parce que c'est lui le professeur jeudi. Et on lui fait un clin d'œil à Jean-Laurent. Merci Guy Alba d'avoir c'est été moi l'invité qui vous de la Réunion Première ce matin. Bonne journée. Merci à vous Guy Alba qui est le président de l'International Association contre les leucodystrophies. Une interview à retrouver à 13h30 sur Réunion Première. Allez, il y en a qui jouent. Il y en a qui sont turfistes dans l'âme. Et à Auteuil, le tiercé quartier Quintet Plus va donner son verdict cet après-midi. Exactement, ce sera le prix Calabret. Départ prévu à 15h47, 18 par temps. 3600 mètres à parcourir. 5 450 000 euros dans la tirelire. Voici les pronostics du fouineur, du GIR, partenaire Réunion Première. Il vous conseille le 3, le 8, le 2, l'As, le 9, le 18, le 12 et le 13. 3, 8, 2, As, 9, 18, 12, 13 pour le prix Calabret cet après-midi à Auteuil, 15h47, 18 partant, 5 450 000 euros dans la tirelire. Et n'oubliez pas, pour que le jeu reste un plaisir, jouons responsable. 7h29 à La Réunion, on va faire un point trafic avec Yvoyer. Prenez la route en toute sécurité avec Total et InfoRoute. Énergisons la vie. Chaque jour, Total. Et vous êtes à Saint-Gilles-Léo. Ouais, c'est toujours la galère, Saint-Gilles-Léo, le matin. Normalement, le chantier qui devrait démarrer après l'heure de pointe, mais il commence avant, forcément. Donc là, c'est la grosse galère tous les matins depuis un petit moment. Donc les travaux d'aménagement de sécurité, on réalise des trottoirs pour un cheminement piéton, plus un réseau d'eau, donc avec la créole. Donc il y a double chantier, double zone de travaux entre le centre-ville et le giratoire du Centaure. circulation compliquée avec ces feux tricolores, et puis des gens qui respectent pas forcément donc le feu rouge, donc ils en profitent pour essayer de tirer au maximum. Donc attention, donc c'est un peu la galère là en ce moment. Et la circulation qui se fait également quelques difficultés pour traverser Fleurimont, notamment où elle a croisé avec la route du Guillaume ou de l'ancienne Balance. Donc prudence et patience également. L'heure de pointe également sur la partie haute de Plateau Caillou où il y a la dépose des marmailles en haut du grand giratoire, en haut de la côte des 11%. Dans les rampes, comme je vous le disais, ça circule un peu mieux. Ça coince entre Grandfond et Boucan, ça ralentit toujours à hauteur des changements de Plateau Caillou sur la route des Tamarins avant de rejoindre Saint-Paul. Pour la route du littoral, c'est toujours au niveau de Ravine à Manor, donc pas de changement, donc avec du monde sur boulevard sud essentiellement, et puis toute l'entrée est qui reste encombrée. Attention, route mouillée à Saint-Benoît, et quelques encombrements toujours à hauteur de Mont-Caprice, mais bon, ça descend avec un trafic dense, pas vraiment bouché. Inforoute vous a été proposé par Total. Énergisons la vie. Chaque jour, Total. Il est 7h30 sur la première. C'est l'heure du journal avec Cécile Thomas. Bonjour Cécile. Bonjour à tous. Les planteurs de la CGPER fatigués de courir après le versement de leurs aides. Ils sont positionnés devant les usines sucrières de Bois-Rouge et du Gol. Nous serons en direct de Bois-Rouge dans un instant. Dans ce journal, nous parlerons élections avec le vote prévu pour élire l'équipe dirigeante de la Chambre de commerce et d'industrie. Le président sortant est candidat. Il a rassemblé ses soutiens hier. Vote également pour élire les représentants syndicaux des salariés des très petites entreprises. Explication dans ce journal. Et puis nous parlerons législative avec les candidatures socialistes à La Réunion. À la fin de ce journal, présentation également du nouveau parking longue durée à l'aéroport. Les usines sucrières bloquées par les planteurs depuis hier à l'appel de la CGPER, des planteurs ont décidé d'empêcher l'accès aux usines de Bois-Rouge et du Gol. Ils demandent le paiement d'aides. Ces paiements sont en retard, des aides censées financer la préparation de la prochaine campagne et les charges. Jean-Yves Minacci, le président du syndicat, se trouve au Gol où l'usine est bloquée. Un groupe de planteurs de la CGPER a pris position également à Bois-Rouge. Isidore Laravine de la CGPER est avec nous en direct depuis l'usine de Bois-Rouge. Bonjour. Oui, bonjour. Alors, vous êtes positionné devant l'usine ou vous bloquez réellement le travail sur place? On bloque, ce matin, on bloque l'accès à l'usine, donc pas de livraison ce matin. C'est pour, en fait, attirer l'attention des planteurs sur le fait que nos aides sont pas versées et seront pas versées dans les mois qui viennent. Suite à la négociation qui a eu lieu hier et à laquelle vous n'avez pas eu de réponse. Nous étions avec Jean-Yves Minacci il y a une heure. Il attendait un signe de l'administration pour négocier. Est-ce qu'il y a du nouveau? Actuellement, il y a rien de nouveau. On a eu une réunion hier à la DAF Saint-Pierre, pas du tout rassurant. Donc, il nous donne des aides. Il nous a même dit que certains sols, ce sera au printemps 2017. Donc, nous, notre argent, on le met maintenant. Quoi. Quel était le calendrier de départ pour le versement de ces aides, M. Laravine? L'ICHN devait être versé normalement le 10 septembre. On a reçu, nous, un courrier le 10 septembre en disant qu'il fallait faire une demande de trésorerie remboursable et ça va être versé en novembre. Nous, on n'est pas d'accord. Donc, sachant qu'on a des charges, on a notamment les impôts ont sorti là, les taxes sont sorties, il faut payer avant le 15 novembre. Donc, on peut pas d'un côté nous dire de payer le 15 novembre et le 15 octobre et nous dire que nous, on sera payé au mois de novembre. Donc là, aujourd'hui, vous bloquez les usines sucrières. Combien de temps vous pouvez cesser le travail durant cette campagne? On va cesser le temps qu'il faudra, parce que aujourd'hui, tout le monde est dans la galère. Hein. C'est-à-dire, on n'a plus de sous pour nos exploitations. Donc on va bloquer le temps qu'il faudra. Mais on attend un signe de l'administration. C'est-à-dire, aujourd'hui, on peut pas dire je vais citer un exemple. On peut pas dire à un RSA qu'on va lui payer son revenu au mois de le revenu du mois de septembre au mois d'octobre. C'est pareil pour nous. On peut pas nous dire que les aides là vont être payées dans les mois qui viennent. Et en plus qu'on n'a pas de date. On nous dit ça va être payé au mois de novembre, ça va être payé au mois de décembre. Vous imaginez le solde de 2015, on va le toucher simplement au mois de décembre 2016. Et on ne sait même pas la date à quelle date ça va être versé. Donc c'est inadmissible. De la part de l'administration, c'est inadmissible. Donc pour l'instant, vous ne bougez pas des usines tant que vous n'avez pas de rendez-vous avec l'administration? On ne bouge pas, on est bloqué et on va rester le temps qu'il faudra. Merci beaucoup, Monsieur Laravine, d'avoir été avec nous en direct ce matin. Je rappelle que vous étiez en direct de l'usine sucrière de Bois-Rouge. En bref, la douane a saisi 4000 comprimés de Rivotril. Ils étaient dissimulés sur une passagère en provenance de Madagascar. Cela s'est passé samedi dernier à l'aéroport Roland-Garros. Le chien anti-stupéfiant de la brigade de surveillance extérieure a repéré la personne au débarquement du vol en provenance de Tananarive. La passagère de nationalité française a été fouillée. Les 4000 comprimés étaient scotchés sur ses jambes. La valeur totale de la marchandise est estimée à 30 000 euros. La personne interpellée revenait d'un séjour de 4 jours à Madagascar effectué pour le compte de son commanditaire à La Réunion. Elle a été remise à la sûreté départementale. Le Rivotril est un médicament psychotrope délivré sur ordonnance sécurisée et il est couramment détourné de son usage normal. Ibrahim Patel, candidat à la tête de la Chambre de commerce et d'industrie qu'il dirige actuellement. Sa liste trajectoire TPE-PME a été présentée hier. Étaient présents les nombreux soutiens au président sortant pour obtenir un nouveau mandat le 10 novembre prochain. Il peut compter sur une cinquantaine d'associations et de syndicats professionnels qui se sont rangés derrière lui. Et cela regroupe aussi bien des transporteurs que des commerçants des centres-villes, des chauffeurs de taxi, des bazardiers. Le dépôt des listes aura lieu jusqu'à vendredi. Le scrutin se déroulera du 20 octobre au 2 novembre prochain. Autre vote qui concerne les entreprises, du 28 novembre au 12 décembre prochain, les salariés de très petites entreprises et les salariés à domicile sont appelés à voter pour le syndicat qui les représentera pour les 4 ans à venir. 59 420 salariés sont concernés, c'est 10 000 de plus qu'il y a 4 ans. Et l'enjeu du scrutin est important, Daniel Dombreville. En 2012, à peine 5% des salariés des très petites entreprises de Lille avaient voté. Alors pour les syndicats, l'enjeu de ce deuxième scrutin est important. Pascal Waraud de l'UER 974. Ces élections concernent des salariés qui sont dans des entreprises dans lesquelles il n'y a aucune représentation du personnel, il n'y a pas de syndicat. C'est-à-dire potentiellement des salariés où les droits sont peut-être les plus bafoués. Jusque-là, ces salariés votaient uniquement pour déterminer les syndicats qui les représenteraient lors de l'élaboration, par exemple, de conventions collectives ou d'accords de branche. L'enjeu de ce second scrutin est triple, être mieux représenté, mieux défendu et surtout mieux conseillé. Jean-Pierre Rivière de la CFDT. Je crois que l'élément majeur de cette élection, c'est la création de la commission paritaire régionale interprofessionnelle. Et là, des salariés des TPE auront des gens qui font le même métier qu'eux, qui pourront leur défendre dans le cadre des commissions paritaires régionales interprofessionnelles. Magali Billard, pour Solidaire. Elles servent à gérer les conflits. Alors, il y a des conflits beaucoup plus complexes qui iront devant les prud'hommes, mais le conflit basique, je dirais, du quotidien, il va permettre aussi des fois de renouer un dialogue qui est rompu. Il va permettre aussi d'informer le salarié. Les commissions paritaires régionales voulues par la loi Rebsamen d'août 2015 seront opérationnelles en juillet 2017. Les salariés devront donc pour cela déterminer localement leurs représentants parmi une vingtaine de syndicats. Enfin, en votant par Internet ou courrier timbré, ils désigneront en même temps les futurs conseillers prud'hommes. C'est l'autre nouveauté majeure de cette élection TPE. Daniel Dombreville à Mayotte, la création d'entreprises et d'emplois au cœur d'un nouveau dispositif. Une plateforme initiative Mayotte vient de voir le jour. Elle a pour ambition de rassembler d'un côté les ressources et de l'autre les compétences. De nombreux entrepreneurs ont participé à la réunion d'information organisée pour le lancement de la structure. Fahati Youssouf Saïd était sur place. Dans l'assistance, Ansufou Dinamidoun, 22 ans, écoute attentivement les avantages de la structure. Cela fait 5 ans qu'il a réussi son CAP de préparation et réalisation d'ouvrages en électricité. 5 ans qu'il galère sans emploi. Ansufou Din est désormais porteur de projet pour créer sa propre boîte. La plateforme Initiative Mayotte tombe donc à point nommé. J'attends juste être bénéficiaire. Je veux une prêt d'honneur pour que je puisse commencer mon activité. Vu que j'ai jamais travaillé, j'ai pas de fonds, j'ai pas de capital, je suis venu ici pour savoir un peu comment il faut faire. Yamin Maoudjoud, quant à lui, est déjà entrepreneur. Il a ouvert son auto-école Maena Conduite depuis 2010. Il emploie 4 personnes aujourd'hui. Il veut adhérer à la plateforme Initiative Mayotte pour pouvoir agrandir son affaire. Je me rends compte que des fois, on a des difficultés à pouvoir investir, faute d'apport, parce que bon, on n'a pas forcément une trésorerie pour pouvoir assumer ou apporter cet apport pour avoir un prêt à la banque. Donc, cette structure pourra nous aider, nous accompagner à ce qu'on puisse investir et créer de l'emploi. Pour sa création, la plateforme a 700 000 euros de fonds de prêt apportés par la CCI, le conseil départemental et la caisse de dépôt et consignation. 40 entreprises mahoraises pourront être aidées à hauteur de 20 000 euros chacune dans un premier temps. Un reportage de Frati Youssouf Saïd de Mayotte, première. 7h39 sur la première, la suite du journal Cécile Thomas. La politique avec le Parti Socialiste qui prépare sa primaire pour la présidentielle 2017, ce sera les 22 et 29 janvier prochains. En attendant de savoir si François Hollande y participera, il devra donner une réponse début décembre. Les fédérations du PS tentent de faire passer le message que la France va mieux. Et après la primaire et l'élection présidentielle, le Parti Socialiste ira à la bataille des législatives. Le PS détient actuellement 5 des 7 sièges réunionnais et Philippe Leconstant explique que les sortants seront prioritaires pour être de nouveau candidats, même si ce sont les militants qui choisiront. Le premier secrétaire fédéral était l'invité de Devant la Réunion hier soir. Monique Orphée, Ricca Barrette, Jean-Jacques Vlaudy ont déjà annoncé qu'ils étaient candidats à la candidature. On attend la position de Patrick Le Breton. Est-ce qu'il y va ou pas ? Il aura lui aussi droit à la primo sortant. C'est à lui de décider s'il s'inscrit dans la démarche du parti. Il a quand même quitté le groupe socialiste. Il a quitté le groupe socialiste, il n'a pas quitté le parti. Dans la 5e circonscription, Jean-Claude Fruiteau, député sortant, a annoncé qu'il ne serait plus candidat. On est en train d'échanger au niveau des sections. Je suis à la disposition du parti. Donc pour l'instant, nous sommes en train de travailler à rencontrer d'autres organisations politiques pour voir comment on aborde ces élections législatives. Le PLR du Guelbéau, qui est un partenaire à la région, mais il y a aussi les Verts, il y a aussi les partis qui nous ont soutenus, le PCR. Philippe Leconstant, le premier secrétaire fédéral du PS, répondait à Gaël Le Dantec et l'identité. Il en sera aussi question après une petite phrase de Nicolas Sarkozy. Hier, Nicolas Sarkozy, candidat à la primaire à droite, nous exigeons l'assimilation. Dès que vous devenez français, vos ancêtres sont gaulois, a-t-il affirmé lors d'un meeting à Franconville dans le Val-d'Oise, phrase qui aura certainement une résonance outre-mer. Information à retrouver sur notre site internet lapremière.francetvinfo.fr. On sait très bien que l'identité est actuellement au cœur de la campagne des primaires à droite comme à gauche. Un dernier mot pour vous parler de ce qu'on peut faire désormais de sa voiture quand on veut prendre l'avion. On pouvait la laisser garer chez des amis, quand on a de la famille bienveillante, aussi on a vu avec Michael tout à l'heure. Eh bien, l'aéroport s'intéresse maintenant à cette question et vous propose un nouveau parking, un parking meilleur marché pour les longues durées. C'était 35 euros pour 12 heures avant, c'est maintenant 10 euros pour 24 heures. Sur ce parking de 200 places, les véhicules seront surveillés. Le tarif, c'est donc 40 euros indivisible pour les 4 premiers jours et puis 10 euros par jour supplémentaire. Ben voilà, si vous avez personne chez qui mettre votre voiture. Voilà, vous partez un petit mois. Vous vous absentez un petit mois. Ça fait cher quand même, le mois. Un petit mois. C'est pour payer moins cher de parking, un petit mois. Ça. Merci Cécile, à demain. Cécile. Bonne journée. Le mois de février. Oui, il a raison, ben voilà. Boris. Bonne idée. Voilà, le mois 28 de février, jours est plus court. Ou 29. Les bons tuyaux avec Cécile Thomas. 7h42 sur la première. La météo vous est présentée par Miadao, ménage, repassage, jardinage à domicile sur www.miadao.fr. Eh Mickaël, le bleu tente. Il tente de revenir. C'est plus difficile, comme je vous l'ai dit, à l'est. Entre Sainte-Suzanne et Saint-Philippe, on reste encore sous les nuages avec des averses et notamment sur les contreforts du volcan. Il y a quelques gouttes possibles encore sur le secteur entre Sainte-Rose et Saint-Philippe. Puis progressivement, le ciel va se dégager. Ailleurs, le ciel est déjà bien éclairci et s'ennuagera tout de même sur les hauts de Saint-Paul cet après-midi avec pourquoi pas quelques débordements sur la côte. Partout ailleurs, on alternera entre nuages et éclaircies, avec un peu plus de nuages que d'éclaircies dans l'est. Du vent qui va souffler encore aujourd'hui 60 km/h sur le nord et le sud. Température toujours douce, fraîche même, on peut le dire. À 14 au volcan et 16 à la plaine des Cafres. Il ne fait pas plus de 26 degrés cet après-midi. Il ne fera pas plus de 26 degrés à l'Ermitage. La météo vous est présentée par Miadao, ménage, repassage, jardinage à domicile sur www.miadao.fr. Yves Gruyer, vous êtes à l'éperon. Ouais, j'ai quitté Saint-Gilles-Léo avec ses travaux, donc c'est bien confirmé. Hein, donc on va arriver par l'UTR. Donc le chantier normalement devrait démarrer qu'à partir de 8h, en tout cas pour la mise en place de l'alternat. Sauf qu'à 7h15, c'était déjà en alternat avec de grosses difficultés de circulation pour traverser Saint-Gilles-Léo. Soyez patients, que l'entreprise normalement arrête et redémarre à l'heure prévue. Voilà en ce qui concerne ce chantier, donc qui normalement va jusqu'à début octobre, et puis après les enrobés sont prévus seulement fin octobre parce qu'il y a encore de la fibre optique à tirer. En ce qui concerne le trafic, assez peu de changements depuis tout à l'heure. Donc toujours cette partie basse, hein, donc en bas de la route de l'Éperon, la route du Théâtre, ça ralentit. Grand fond au boucan. Attention, il y a des travaux prévus à partir de 8h30. Hein, donc aujourd'hui et demain, travaux d'élagage vers le cimetière marin. La circulation sera à Canal Terna, donc en journée jusqu'à 15h30-16h, avec parfois des petites coupures de circulation. On parle de coupures de circulation. Notez sur vos agendas cette deuxième opération à Lombard-Carré, à Mad Magnifique. Le Grand Brûlé sera fermé à la circulation. Attention, le 1er et le 2 octobre prochain, donc c'est dans 17 de jours, un week-end, samedi, dimanche, et le Grand Brûlé, depuis le chemin Cajolion jusqu'au giratoire Citron-Galet, toute cette partie du Grand Brûlé fermée totalement, et donc uniquement pour les piétons, cyclistes, voilà, donc il y aura des cars pour vous emmener, etc. Donc le temps de redécouvrir ces pentes spécifiques et de redécouvrir la nature là-bas, sans voiture. 1er 2 octobre, 8h-18h, route nationale 2 coupée là-bas entre Saint-Philippe et Saint-Paul. Grand Matin avec Isabelle Waro et Mickaël Laurette. Les toutes dernières minutes de Grand Matin. Avec oui, vous, ce matin sur la route, peut-être au petit déjeuner déjà à la maison. Encore à la maison. Mais c'est bien 7h45 d'être encore à la maison pour certains ou certaines. Eh bien, pourquoi pas nous envoyer votre photo du café du matin avec les collègues ou encore à la case. Il reste moins de 5 minutes et c'est ensuite, on fera le tirage au sort pour aujourd'hui. Mais affole pas tout ça, t'y mettes votre photo toute la semaine de petit déjeuner, eh bien, tout le monde est sélectionné pour le tirage au sort de vendredi, à la clé, votre croisière sur un catamaran, cata passion, voilà. C'est cata fantastique. C'est un très beau cadeau à suivre avant le zapping tout à l'heure, le gagnant ou la gagnante du jour. Hein, de tout day, on vous fera gagner, donc continuez de poster, c'est le moment ou jamais, puis vous likez. Vous likez la page Grand Matin, comme d'habitude. Tout cela, donc, avant 8h, avant le retour de Jackie Revel pour la Colle Jacques. Il recevra un chef cuistot aujourd'hui. Ouais, on va parler de moules. Moules. Il cuisine les moules à toutes les sauces. le chef cuistot en question. Maïko, sur première. Fini bonne ensemble. Journée. Il y a une vie où les dépôts finissent ensemble. Ciné n'a l'amour des signes qu'elle a rassemblé. Nous dé où les dépôts finissent ensemble. N'a fini ensemble. Et si n'est dans la moison, dis-nous qu'elle va rassembler. Nous déroulever pour finir ensemble. N'a fini ensemble. Nous vara, nous va rassembler. Catherine pour moi, ou va rester. Oui, nous va rester complet. L'amour qui est moi, nana, si mon cœur ou la bosse tombe. Ça nous secret. Un feeling surnaturel, beauté naturelle. Sans nous, elle est comblée. Nous déroulever pour finir ensemble. Si n'est dans la mode, si nous qu'elle a rassemblé. Nous déroulever pour finir ensemble. N'a fini ensemble. Y'a nous déroulever pour finir ensemble. Et si n'est dans la mode, dis nous qu'elle va rassembler. Nous déroulever pour finir ensemble. N'a fini ensemble. Je suis l'homme de ta vie, je te le dis, ouais. Accompagne mes sentiments les plus vrais. Je ne suis que la flamme de ton esprit, ouais. Si je m'éteins, tu disparais à jamais. Si vous devez vivre sans moi, si vous voulez tenir mon main, baby, on va finir sans moi. Ah, yeah. La la. Yeah. Et vous écoutez en soi en première avec Maïko, fini ensemble dans Grand Matin. On revient dans un petit instant, restez là, tout de suite. Première. Réunion première, le son de l'océan Indien. Est-ce que tout le monde est dans la place? Réunion première vous invite pour Enfants Illois, un grand concert le vendredi 7 octobre au Petit Stade de l'Est. 3 heures de show en live à partir de 20h avec l'Indigo, Désiré François et Cassia. Ça va, gagnez vos places en jouant tout au long de la journée sur Réunion Première. Première. Et dans l'univers de Windows, il y a Windows 7 et Windows 10. Et Windows 7 surpasse toujours Windows 10. Pascal Rizzo, Connect Première. Connect Première. Bonjour, il est toujours un peu compliqué d'avoir des statistiques fiables sur l'utilisation des produits ou des logiciels au niveau national ou mondial. Alors pour connaître le nombre d'utilisateurs de Windows 7, Windows 7 ou de Windows 10, ou bien de macOS 9 ou de macOS 10, on se base sur les statistiques de spécialistes comme StatCounter ou NetApplication qui peuvent analyser sous quel système d'exploitation tourne un ordinateur qui vient de se connecter sur un des millions de sites surveillés. Tout cela pour vous dire que les statistiques en la matière ne sont donc pas fiables et qu'elles divergent selon chaque spécialiste, mais on arrive néanmoins à obtenir une tendance. Et la tendance actuelle, c'est que Windows 7 reste le système le plus utilisé au monde. Alors le chiffre est de 39,93% d'utilisateurs au 31 août selon StatCounter. Une petite baisse, puisque donc vous le voyez, Windows 7 passe sous la barre symbolique des 40%. Oui, mais ce chiffre est de 47,27% selon NetApplication. Eux, ils annonce une petite hausse de 0,2%. Et oui, car on parle ici du premier mois durant lequel Windows 10 n'est plus gratuit. Eh bien justement, le nouveau système de Microsoft aurait 24,43% de part de marché selon StatCounter et 22,99% selon NetApplication. Une très légère hausse donc, mais freinée par la fin de la gratuité, forcément. Et puis il va falloir s'habituer à ce genre d'obsolescence, à cette annonce qui enrage les possesseurs de téléviseurs Sony datant en gros de 2012. Donc vous voyez que c'est quand même pas la préhistoire. Ces téléviseurs seront privés de la possibilité jusque-là offerte de regarder les vidéos de YouTube directement donc sur la télé. En cause, le passage des connexions de YouTube en mode sécurisé HTTPS. Une décision de Google. Or, les téléviseurs de la gamme Bravia, produits par Sony jusqu'en 2012, ne prenaient pas en charge ce protocole. Mauvaise pub donc pour des smart télé vendus justement pour être capables de se connecter à Internet et qui ne pourront donc plus profiter des services de la star du web en la matière. On comprend que des clients ayant à l'époque acheté ce genre de télé jusqu'à 25 000 $ US puissent être en colère aujourd'hui. Enfin non, pas aujourd'hui, mais le 30 septembre, date du changement technique sur YouTube. Il restera alors la possibilité de passer par un matériel intermédiaire de type box ou lecteur de flux de type Chromecast. Mais quand même, avouez que ça fait désordre. Belle journée. Merci Pascal Rizzo. Et à demain. Ah, comme quoi, vos petits déjeuners, ça peut servir hein, de les envoyer sur Facebook parce que vous gagnez forcément vos places de cinéma pour aller voir War Dogs encore à nouveau aujourd'hui. Et vous vous sélectionnez tous ceux et toutes celles qui ont joué ce matin pour participer au grand tirage au sort de vendredi. Et vous partirez à deux. C'est le principe. Pour une virée à deux. Tu envoies ta photo tout au long de la semaine sur la page Facebook de Grand Matin. Et le vendredi, il y en a un qui gagne des super cadeaux. Oui, mais un c'est avec un. C'est-à-dire que le 1... emmène le 1. Ça fait 2 en fait. Ça fait 2, bah oui. Waouh. 1 plus 1 égale 2. Effectivement, 2 en croisière sur la mer au large de Saint-Gilles pour toute une après-midi. Mais c'est peut-être pour vous ça. Tu sais que parfois 1 plus 1 ça fait 3. Ouais, ok. Ouais, ouais super. Oui. Heureusement qu'il est bientôt 8h. Heureusement qu'il est bientôt 8h. Bon, en tout cas, vous avez gagné ce matin. Oui. Et qui a gagné? Eh bien, on va faire une petite exception. Tiens, oui. Pourquoi pas? On a été voir vos photos sur, sur Facebook, mais on a été pris un petit peu de compassion pour cette petite Lucie. On va peut-être t'envoyer un portable qui fait photo, Lucie, d'ailleurs, hein, si ça c'est continue. Lucie, bah, Lucie qui a un portable qui ne fait pas photo. Ah oui. Ça peut arriver. Mais qui a envie de jouer. Et elle a mangé ce matin café vanille, pain, beurre, confiture goyavier, 2 tranches d'ananas, fromage blanc. Et bien sûr, elle a bu de l'eau parce qu'avec tout ça, il fallait en boire. Ouh, bah oui. Et bien pour toi, Lucie, ce matin, on t'offre les places de cinéma. Oui, pour ce pour film. Y aller, on va te rappeler. Hein. Elle a joué sur le 70-2000. Ça même, affole pas, Lucie, 2 invitations pour aller donc au cinéma. Des invitations valables dans les salles du réseau Moréfilm, Multiplex, Ciné Cambé de Saint-Paul, Ciné La Case Saint-Denis ou encore Le Plaza de Saint-Louis pour aller voir ce film War Dogs. Ça veut dire aussi que pour les autres, vous continuez d'envoyer vos photos sur Facebook, sur la page Grand Matin. C'est et ça. Vous likez parce qu'on ne fera pas toujours des exceptions comme ça tous les matins. Ah oui, oui. Par contre, pour le tirage au sort, pour la croisière, il faut absolument envoyer sa photo sur Facebook. Hein, on continue d'envoyer les photos même après 8h. Vous continuez de le faire sur la page Facebook Grand Matin là, si vous nous captez en ce moment où que vous soyez à La Réunion. Vous partez peut-être ce week-end en croisière pour 2 personnes, coquillages et crustacés à bord du bateau Catapassion avec croisière et découverte. Ouais. Première, première, première, première. Allez, on prend la zapette. Eh oui, les animateurs, les invités qui se lâchent. Et le service, Mickaël, des nouveaux mots qui tournent à plein régime. C'est le zapping de première. Si t'es amatrice de sextoys, qu'est-ce qu'on s'en fout? Qu'elle s'amuse, qu'elle se fasse plaisir. Ça va. La paix. Et Doris m'a dit qu'il y avait des vampires végétariens qui, en fait, préféraient la betterave. Non, non, on continue. C'est un invité qui arrive. Moi, Jean-Paul, il arrive, moi, la peur. Jean-Paul Mélade. Merci, Jean-Paul Mélade, d'avoir amené notre invité. On a vu que Jacques arrive. Comment? Pardon. On a vu que Jacques arrive. Et tremble dans vos foyers, truc là, ça arrive. Merci, Jocelyn Trulès, d'avoir accepté notre invitation. J'arrive dans mon nana. En parlant d'intelligence, saviez-vous que l'étoile de mer n'avait pas de cerveau? Il y a le kangourou. Il ne peut pas non plus sauter si sa queue ne touche pas le sol. C'est une question d'équilibre. Ah ben ça, je savais pas. Donc il faut pas lui couper sa petite queue. C'est aillé, ça? Ouais. Oui, bonjour, ici le bureau des nouveaux mots. Marie-Hélène à votre service. Oui, bonjour madame. Dites-moi, les journées europérennes, ça commence quand? Attends, hein, les journées européennes. Ah, t'inquiète pas. Trésor du patrimoine réunionnais, les journées européennes ont démarré hier. Voilà, ça a démarré hier. Tu as besoin d'autre chose? Oui, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez des manœuvres impressionnantes qui n'ont pas fait disparaître la motivation de certains mamailles? Alors, des manœuvres impressionnantes qui n'ont pas fait disparaître la motivation de certains mamailles. Quitte pas, mon gars. Les manœuvres même impressionnantes n'ont pas fait disparaître la motivation de certains mamailles. Une rencontre signée Christelle Floricourt et notre... Mais je vais regarder un coup si on a encore un peu de Toplexil dans le placard, s'il te plaît. Ouais. Oh là là! Allez, on fait un bisou à Joanne Adam Adorassi. Ah, il faut du Toplexil, comment s'appelle le Vix? Bon, ouais, bon. Comment s'appelle l'autre crème blanc d'un tube bleu? Vix, hein, le quoi, le Vix Vaporub? Non. Moi, je proposerais un pied de bois. Ouais. Bon. Jackie Revel, mesdames et messieurs. Bon, allez, il arrive. Après 8h, la colle Jacques. Salut la réunion, bonjour Mickaël, bonjour Isabelle. Oui. Mickaël Garaudet et sa femme sont à l'entrée du studio. On parlera aujourd'hui des moules. Donc, ce sont des restaurateurs de Saint-Denis. Des moules farcies marinières en curry. Bien sûr. Voilà, les moules ce matin. D'autres spécialités également. Et puis, on en parle entre 8h et 9h. Et puis, il y aura aussi entre 9h et 10h, Gougout et Carpaille qui se fâchent. Non, c'est comment pas bien. Stopper la douleur d'un gros coup de con, tiens. Ah, bah oui, hier c'était petite coupure. Aujourd'hui, c'est gros coup de con. Après les moules, le gros coup de cogne. Gros doigt de pied pété, là, ça fait mal. Hein, c'est douloureux, hein. Ouais. Et puis, mythe ou réalité, on parlera aussi des vampires. Est-ce qu'il y a des vampires à l'île de la Réunion? Ça, ce sera en deuxième heure avec Prisca. Et il y en a, ils aiment les betteraves. Oui, parce qu'ils sont végétariens. Ils sont végétariens, les vampires. Ouais. Allez, nous, on vous dit à demain. Attention, attention pour ceux qui sont sur la route depuis la Cocoteraie de Saint-André en direction de Saint-Denis. Bah oui. Ça bouge pas mal, on en parle avec Yves. Juste après. Salut Isa! Salut Jackie. À demain. Tracy Chapman. Don't you know we're talking about a revolution sounds like a whisper. Don't you know we're talking about a revolution sounds like a whisper. While they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion. Don't you know, talking about a revolution, it sounds whisper. Poor people gonna rise up and get their share. Poor people gonna rise up and take what's theirs. Don't you know you better run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run. Oh, I said you better run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run. Cause finally the tables are starting to turn, talking about a revolution. Yes, finally the tables are starting to turn, talking about a revolution. Talking about a revolution, oh, while they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion. don't you know? Talking about a revolution sounds a whisper. And finally the tables are starting to turn. Talking about a revolution. Yes, finally the tables are starting to turn. Talking about a revolution. Talking about a revolution, oh no. Talking about a revolution. Talking about a revolution sur première avec Tracy Chapman. Chapman sur première. Apprenons l'anglais. Yeah. Première leçon. Prenez la route en toute sécurité avec Total et InfoRoute. Énergisons la vie. Chaque jour, Total. Vous êtes au cap là où c'est Yves? Ça roule pas bien ici au niveau du parking des pêcheurs. Vous roulez pas bien depuis Grand Fond. Il y a des zones vraiment à l'arrêt, donc ça circule difficilement. Et même au-delà du cap Laoussin, en redescendant vers le cap Marianne, encore des difficultés de circulation avec la mise en place tout à l'heure des travaux d'élagage. Mais ça sera après l'heure de pointe, donc vers 8h30, pas avant. En tout cas, ça roule, ça commence à se libérer doucement au niveau de la partie basse de la route du théâtre, au niveau du collège des Aigrettes. L'heure de pointe est en train de se terminer. On a fini de déposer les marmailles, ils vont rentrer en classe. Donc du coup, c'est un peu moins chargé à ce niveau, et c'est ça se libère un petit peu en fin de route des Tamarins, puisqu'enfin, en tout cas avant le viaduc, c'est juste à l'entrée de la tranchée couverte. On est après l'échangeur de plateau caillou maintenant, avec un trafic qui reste difficile en traversée de Saint-Gilles-Léo, je rappelle, avec ces travaux qui sont en place plutôt que prévu. En ce qui concerne le trafic sur la route du Toral, ça va un petit peu mieux également, puisque c'est au niveau de la ravine à Jacques, après la grande chaloupe, Convinsan, les tranchées encore chargées, une entrée est toujours très encombrée. Et un trafic qui se libère et qui s'est plutôt libéré. Donc en descendant du tampon pour rejoindre Saint-Pierre, quelques encombrements au niveau de certaines des bretelles de Saint-Pierre. InfoRoute vous a été proposé par Total. Énergisons la vie. Chaque jour, Total. Et les articles de réunion première à 8h. Le journal de la rédaction, Florent Marot. Bonjour Florent. Bonjour Jackie, bonjour à tous. La Réunion a perdu 7000 touristes en un an. L'IRT a donc décidé d'agir. L'île de la Réunion Tourisme a présenté la semaine dernière son nouveau logo, un logo qui sera présent au salon Top Reza qui démarre aujourd'hui à Paris. Reportage dans ce journal. Le déblocage des aides, c'est ce qu'attendent les planteurs de canne. Ils se disent aujourd'hui pris à la gorge et ont décidé d'agir. Depuis hier, la CGPER bloque les usines du Gol et de Bois-Rouge, un blocage qui continue ce matin. Réaction à Bois, et puis en sport, football avec Yves Etève et Noël Vidotte. Un troisième homme brigue la présidence de la Ligue réunionnaise de football. Son nom à la fin de cette édition. 190 000 au premier semestre 2016, 197 000 l'an dernier à la même époque. Le nombre de touristes est en baisse alors que démarre à Paris le salon Top Reza. La semaine dernière, l'IRT a présenté son nouveau logo. Un nouveau logo, mais aussi une nouvelle vidéo de promotion. Le slogan, lui, reste le même. La Réunion, île intense. Une évolution plus qu'une révolution pour ramener plus de touristes. Christelle Floricourt. Ce sont un peu plus de 420 000 touristes qui ont choisi la Réunion comme destination l'année dernière.